Frédéric, chez First Edition. Merci beaucoup, messieurs. Et nous, on se retrouve demain, toujours avec énormément de plaisir. Et nous allons explorer tous ensemble un sentiment que nous connaissons tous, mais qui peut nous empoisonner comme nous soulager. Ce sentiment, c'est la colère. A-t-elle du bon, la colère? Quelles sont vos plus grandes colères? Diriez-vous qu'elles vous ont été utiles? Cette émission, c'est vous qui la faites. Alors, j'espère évidemment partager non pas vos colères, mais votre témoignage. Demain, sur cette antenne, dès 15h, en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. On se tient bien droit. Je vous dis à demain et je vous embrasse. RTL, il est 16h. Et c'est à vous, Marie Guerrier, pour les infos. Marie. Et de l'actualité politique, cet après-midi, le président de la République a reçu le ministre de l'économie venu remettre sa démission, Vincent Derosier. Vous êtes à l'Élysée pour RTL. Oui, Christiane Taubira avait quitté le gouvernement à vélo. Eh bien, Emmanuel Macron a choisi de marcher sur l'eau. Une traversée de la Seine en navette fluviale, aller-retour sous l'œil des caméras. C'est la dernière provocation de celui qui est encore à cette heure-ci le ministre de l'économie. Il a donc quitté l'Élysée comme il est venu par cette navette qui relie le pont de la Concorde à Bercy où il vient de rentrer dans son ministère il y a quelques minutes. La conversation avec le président a bien eu lieu, mais on attend toujours à cette heure-ci le communiqué officiel de l'Élysée qui tarde un peu à être publié. En tout cas, jusqu'au bout, le locataire de Bercy scénarise son départ, départ qui ne surprend d'ailleurs personne au gouvernement, sauf peut-être François Hollande qui a tout fait pour le retenir, c'est ce que me confie en tout cas un ministre. Le président qui perd le plus populaire de ses membres du gouvernement, Emmanuel Macron, qui selon François Hollande lui devait tout, s'en va. Pour l'instant, il laisse planer le doute sur ses intentions. Il pourrait faire une déclaration depuis Bercy aux alentours de 17h. Et quels que soient ses choix pour l'avenir, il complique un peu plus la tâche de François Hollande pour 2017. Vincent Derosier en direct de l'Élysée pour RTL. Depuis plusieurs mois déjà, Gérard Collomb, le maire socialiste de Lyon, soutient Emmanuel Macron, à qui l'on prête des ambitions présidentielles. Écoutez donc la réaction de Gérard Collomb à la démission du ministre de l'économie. Emmanuel Macron a envie de servir son pays. Il pense qu'aujourd'hui, il avait d'une certaine manière terminé sa tâche. Et que la meilleure manière qu'il avait de rendre service à son pays, c'est d'aller à la rencontre des Français, de les écouter, et puis de pouvoir développer ses propositions. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que beaucoup de candidats portent des messages qui sont ceux des années 80-90, et qu'il y a besoin de renouveler le discours politique. Et Emmanuel Macron, parce que justement il a l'âge qu'il a, est en phase avec la jeunesse, les innovateurs, ceux qui ont envie d'inventer un autre monde. Et donc je suis persuadé qu'il va trouver leur adhésion et qu'il y avait déjà eu beaucoup de gens qui étaient en marche. Dans l'avenir, ils vont avoir envie d'être derrière Emmanuel Macron. Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui soutient donc le ministre de l'économie démissionnaire. Il était au micro RTL de Frédéric Perruche. On notera dans l'actualité du jour qu'il y a un accord entre les producteurs de lait et le groupe laitier Lactalis. Les producteurs ont donc cessé leur action. L'accord a été conclu à la mi-journée sur la hausse du prix du lait. Les courses cet après-midi à Clairefontaine. On rejoint Bernard Glace. Très vite, Marie, pour un rappel de l'arrivée du Quintet. C'était la troisième épreuve. Le 16 était non partant. Le numéro plus 748 et la bonne combinaison le 4, le 13, le 10, le 14 et le 15 que je vous indiquais ce matin. Arrivé rapport de la 5e, victoire du 10 Travelling Man, 8.30 et 3.10 devant la Salabaster, 3.30 placé, le 5 Vicento, 8.70, 4e le 6 et puis la 6e à Pic 5 a vu le succès du 7 Zipcode, 10.70 et 3.10 devant le 5 Rosa Inès, 2.30 et le 9 Bye Bye Darling, 4.60, 4e le 15, 5e le 6, 7, 5, 9, 15 et 6, la 6e, la suite et la fin des arrivées dans une heure. À tout à l'heure, Bernard. Il est 16h et presque 4 minutes. Vous êtes sur RTL tout de suite. Les grosses têtes et Laurent Ruquier. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui. Une grosse tête qui parle à ses plantes dans le but unique de les arroser, Isabelle Mergaux. Ah, j'ai compris. Une grosse tête née aux États-Unis, mais dont on a toujours l'impression qu'elle débarque, Ariel Dombal.

Bah, répondez Michel à la radio. Quoi, la radio? Est-ce qu'il fait de la radio aussi? Non, il fait pas de la radio. De temps en temps, une fois par mois. Une fois par Michel mois. Michel Ardisson, Ardisson. Thierry Ardisson. Ah, bah oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il vient chez nous de temps en temps, Thierry. Ah, oui. Allez, une citation plus culturelle, si vous le voulez bien. On va monter un peu le niveau. Bah, Thierry va être content. C'est gentil pour lui, oui. Qui a dit, et ce sera pour Christian Avenel, qui habite Nîmes, « Bien sûr que j'ai déjà fait du sport en plein air. Une fois, j'ai joué au domino à la terrasse d'un café parisien. » Winston Churchill. Winston Churchill, non, mais on n'est pas très loin. C'est en anglais? Ça a été dit en anglais? Ça a été dit en anglais. Shakespeare. Américain, Shakespeare, non. Américain ou anglais? Shakespeare, je suis pas sûr que les dominos étaient inventés à l'époque de William Shakespeare. Bon, je sais même pas s'il y avait des cafés à Paris à l'époque de William Shakespeare. Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? T'es à la foire au vin Lidl, j'espère. Oui, et cette année, c'est un cru d'exception. Dès demain, les deux bouteilles de Bordeaux Terre d'Exception 2015 AOP médaillée d'or, dont une gratuite, sont à 3,78€. 1,89€ la bouteille. Moins de 2€ pour ce Bordeaux médaillé d'or chez Lidl. C'est ça. Mais nous, on fait pas exception à la règle. Comme d'hab, on est mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,52€ le litre au lieu de 5,04€. La bouteille à l'unité, 3,78€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Jusqu'à 18h sur RTL avec vous, Laurent Ruquier et les grosses têtes. Vous ne le voyez pas, mais tout le monde est habillé. Une question pour Florent Marcoux qui habite Biganos, c'est en Gironde. Dans quel pays les cloches ont-elles sonné hier pour annoncer le début d'une journée historique? Est-ce que c'est un pays d'Europe? Un pays d'Europe? Non. Ah, en Afrique? En Afrique. Oui. Oui. Au Congo. Non, non, ouais, ouais, ouais, c'est, Congo. C'est pas ça. Voilà, c'est, mais je le connais par cœur maintenant. Dès qu'il prend l'air intéressé, surtout à ce que je dis. C'est louche. Et ben, allez, va mourir. Effectivement, c'est pas en Afrique. Ah non, non, est-ce que ce n'est pas la France, une cloche qui, justement, sonnait pour les prisonniers dans une prison? Vous avez entendu, les cloches sonnaient en France hier, vous? Non, mais un homme. Une cloche sonne. J'en entends bien des cloches sonner, moi. C'est une ça, cloche. C'est ça ou pas? C'est une vraie cloche de clocher. Oh, ou là, alors on dirait, un exercice de diction. La cloche clocher dans le chocher. En tout cas, c'est une cloche qui résonne plus que vous. Ou alors c'est une espèce. États-Unis. Ou alors c'est un gong. Ah oh, bah oui, on a aussi ça. Des cloches et des gongs, j'en entends. Ouais. Aux États-Unis. Aux États-Unis, non. Non, mais écoutez, vous êtes quand même chargé. Non, mais ce ne sont pas les clochettes, Jingle Bell. Oh, ah bah c'est pas Noël déjà. Ah, vous voulez nous chanter Jingle Bell? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Oh, finis tout, finis tout, reviens. La la la la la la. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. La la la la la la la la la la la la. Il y a eu aussi la chanson, comment c'était la chanson de Piaf, Une cloche sonne. Elle va d'écho en écho. Ah, c'est pour Jean-François Nico. C'est la rentrée, je vous jure. Bom, bom. Ramène-moi et je ferai des rêves merveilleux. C'est ce que je dis à mon mec avant de dormir, dis donc. Le bourdon dit à la clochette, tais-toi donc, méchante sonnette, ding-ding-dong, ding-ding-dong. Et la clochette, elle lui répond, ding-dong-ding-dong. On sent les ravages de la jouvence de l'abbé Souris. J'ai appris ça en cours de musique. Et en principe, il faut reprendre le bourdon dit à la clochette quand je vais... Ah, non. J'adore ce le bourdon dit à la clochette, et là, le bourdon... Tais-toi donc, méchante sonnette. Ding-dong, ding-dong. Monsieur Ruquier, à part le fait qu'on soit payé, il n'y a, rien de différent d'un asile, en fait. C'est ça. Rien. C'est la même chose, en fait. L'autre, il se baigne à poil en Bretagne. En septembre, il chante Jingle Bell. L'autre, il a fait des cours de musique. Mais oui. Non, mais bon Dieu. Vous n'avez jamais, quand vous étiez dans la voiture avec vos parents, fait des chœurs dans la. Oh, que ça. Non. Mes parents n'avaient pas de voiture. Ils n'avaient pas de chœurs. C'est vrai, en plus. Sur le cyclone. Quand, quand vous couriez derrière les voitures des autres. La cloche a sonné. Ah oui, la cloche a sonné. Ça signifie la rue est à nous. Que la joie vienne. Mais oui, mais oui. L'école est finie. L'école est finie. Nous irons le faire. Ce soir peut-être. L'école est finie. On vient chahuter. L'école est finie. Tous entre amis. L'école est finie. On peut y penser. L'école est finie. Mais oui, mais oui. Oh, l'école le cauchemar. Mais oui, mais oui. L'école est finie. L'école est finie. Oh là là. Je vais sortir. Laissez-moi sortir. Oh là là là là là là. Laissez-moi sortir, bordel. Quand je pense que c'était une question très sérieuse, historique. C'est pour une raison historique que les cloches... Un anniversaire, mais non. Les cloches ont sonné dans ce pays hier. En Argentine. Pour une raison historique en Argentine, non. Est-ce que c'est une guerre au Chili? Est-ce que c'est un hommage? Au Chili. Un hommage, non, vous avez dit Bernard. Au Chili. Non, avant vous avez dit quelque chose d'Argentine. Non, alors peut-être au Brésil. Au Brésil, non, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Ah, c'est qu'il avait enlevé son slip. Qui s'est marré, qui s'est réveillé à poil. Ah non, écoutez, franchement. Ah bah voilà une cloche à sonner. Ah non, mais on fait que chanter, on est là pour trouver la les réponses. La première cloche à sonner, et dans 30 secondes, si vous n'avez pas trouvé. C'était pour signifier la paix de quelque chose. Oui, bravo. Voilà. La fin d'une guerre. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Uruguay. Colombie. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Avec les FARC. Les FARC. Ils ont signé avec les FARC. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. Il était temps. J'ai sauvé l'économie de cette station. 7 millions de disparus, 300 000 morts, un accord de cessez-le-feu historique qui a été conclu. D'ailleurs, ils ont signé à La Havane, à Cuba, la semaine dernière, cet accord. Le président Juan Manuel Santos a ordonné le cessez-le-feu. C'est un accord de paix évidemment important. Voilà pourquoi les cloches ont sonné en Colombie hier. Un conflit qui dure depuis un demi-siècle de guerre civile. C'est extraordinaire, ils doivent être soulagés. Hein. Ah ben oui, c'est un événement, évidemment. Voilà. Alors, soulagés, non, parce qu'il y a quand même controverse. Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Est-ce qu'on les libère? Oui, mais bon... Oui, et puis alors déjà, il y a d'autres mouvements qui s'y mettent, donc la guerre continue. Vous avez dû déjà aller en Colombie, j'imagine, Mais bizarrement, Ariel. Non. Oh, comment mais, ça mais en revanche, oui, j'ai deux amis qui étaient au lycée franco-mexicain. Des Mexico qui sont partis en Colombie et ça s'est très mal passé parce qu'ils ont justement essayé de doubler les narcotrafiquants. Ah oui, mais évidemment. Alors, et voilà, ils n'ont pas mis leur clignotant. Qui est tombé? Ce sera la question suivante pour monsieur Bruno Fèvre qui habite Paris 16e. Qui est tombé d'un arbre de plus de 12 mètres? C'est une révélation qu'on a apprise hier. Alors j'ai entendu, c'est magique. C'est la femme, c'est Lucie, c'est la première femme, la première femme répertoriée dans le monde. Voilà. Il y a 1 million. Excellente réponse d'Ariel Dombal. 3,2 millions d'années. 3,2 millions. On n'est pas à 2 millions d'années c'est près. Pas, hein. C'est pas une femme alors. Pardon. C'était pas une femme, du coup, c'était un singe encore. Ah, alors, non, c'était une pomme. Bah, une femme peut aller à 12 mètres sur un arbre. Ouais, ouais. Il y a quand 3 millions d'années, on je peux te dire que quand Bernard arrive à poil, la nana, elle monte jusqu'à 12 mètres. T'as vu des arbres de 12 mètres sur la plage. Lucie est tombée d'un arbre, d'après une étude scientifique parue hier. Lucie, dépêche-toi. On ne vit qu'une vie à la fois. La plus célèbre des australopithèques. C'est Coppens qui, je crois, qui a expliqué ça. Non, on a vous on les Coppens, je vous ouvrirai jamais. Oh non, écoutez, franchement. Donc visiblement, elle serait tombée d'un arbre parce qu'elle grimpait pour se protéger, pour passer la nuit. Et alors voilà. Un paléontologue. Mais qu'est-ce qu'on en sait 3 millions d'années après? Ah si, parce que c'est le carbone 14. C'est des études absolument. Bah, on a vu qu'elle devait avoir le crâne fracassé, j'imagine. Oui, d'accord. Non, parce qu'elle est tombée sur le bras justement. 12 mètres. Ah, elle avait le bras fracassé. Elle a étendu le bras pour essayer d'amortir sa chute. Elle était judokate, Lucie. Ah ben oui. Justement, il faut pas mettre les bras. 12 mètres, ça fait 5 étages. Ça devait faire très mal. Je n'y crois pas un instant. Mais pourquoi vous n'y croyez pas? Vous ne croyez pas en la science, vous? Je crois en la science, bien sûr, mais je ne crois pas que... Comment savoir qu'il y avait un arbre à cet endroit-là? Si ça se trouve, c'était peut-être un immeuble. Non, mais c'est une théorie, peut-être. Voilà, c'est une théorie. Voilà. Et alors, la première femme s'appelait Lucie, mais le premier homme, on sait comment il s'appelait, le premier Lucien. Homme Lucien. On n'avait pas le nom. Non, il a été trouvé dans les glaces. Non, je crois que c'est Charles Aznavour. C'est Miko. Il me semble. Hein. Non, mais c'est vrai, après tout, je réalise d'un coup qu'on a donné un prénom à la première femme, et j'ai pas souvenir qu'on ait donné un prénom. Et comment on a su son prénom? Elle avait une gourmette? C'était drôle. C'est même une gourmette. Elle s'appelle Lucie, elle s'appelle Lucie. Ouais, ouais. Vous avez un petit côté australopithèque, Isabelle. On est un peu moins poilu quand même. Ouais. Mais là, l'arbre, c'était pas 12 mètres, c'était au moins 20 mètres l'arbre. Oui, mais elle a survécu. Hein. Non, mais moi, elle, c'est plutôt pinacothèque. Ouais, et toi, c'est pinacothé. Hein. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Top, c'est parti. Bernard, dans quelle ville se trouve l'avenue des Champs-Élysées ? Marseille. Ouh, je vois qu'on est calé en géographie, Bernard. C'est faux. Le seul véritable moyen de gagner à tous les coups, c'est de commander et faire monter ses pneus sur allopneus.com. Chez allopneus.com, nos 100 véhicules ateliers se déplacent jusqu'à vous. Vos pneus sont montés chez vous, sur votre lieu de travail ou ailleurs. Jusqu'au 20 septembre seulement, achetez des pneus Bridgestone et recevez un bon d'achat jusqu'à 50 euros chez showroomprivé.com. Vive la rentrée avec Bridgestone. Conditions sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à mercredi dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur l'aspirateur sans sac Dyson DC52+, puissance 1200 watts à 399 euros. Soit un bon d'achat de 159,60 euros. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 1er au 7 septembre. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Ah là là, on les tient pas hein, aujourd'hui, les grosses têtes sur RTL. Tenez bon, Laurent Ruquier. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Olivier qui nous appelle du PEC. Le PEC, c'est dans les Yvelines. Tout à fait, oui. Que faites-vous dans la vie, Olivier ? Je suis enseignant. Enseignant, bah professeur et... Oui, prof dans un lycée. Prof de quoi ? Alors, faut vous arracher les mots, vous, hein ? Ah, oui, oui, un peu compliqué, je suis en STI2D, c'est sciences techniques industrielles et du développement durable. Voilà. Bah oui, bah c'est simple, genre, on n'aurait pas compris. Mais vous apprenez quoi concrètement à vos élèves, alors ? La spécialité, c'est système information et numérique. En tout cas, c'est développement durable. Exactement. Donc, on est content. Oui, il vient de le dire. Non, mais développement durable. C'est quand tu prépares un lapin, tu fais du développement durable. Quel talent. Je vais vous envoyer, cher Olivier, si vous le souhaitez, dans le Val-de-Loire. C'est l'office de tourisme Tour Val-de-Loire qui vous propose de passer une nuit en chambre exécutive à l'hôtel Océanique. Chambre exécutive. Il y a une guillotine. Ouais. Non, ça rigole pas. C'est le nom de la chambre. Oui, ça veut dire très chic. À l'hôtel Oceania Univers, c'est un 4 étoiles. Ah, c'est beau là. Franchement, j'ai les photos, c'est magnifique. Et où ? Un 4 étoiles où vous pourrez aller accompagner. C'est dans le quartier historique de Tours, face à l'hôtel de ville. Ça vous fait plaisir tout ça, évidemment, Olivier ? Ouais. Bien sûr. Je sens que vous allez vous battre. Pour, ouais. Faut qu'il gagne quand même. Hein. Faites pas exprès de perdre. Hein. Pour vaincre les grosses têtes. Attention, c'est une question. C'est une question culturelle. Peut-être avez-vous regardé hier soir sur Arte le documentaire sur les 10 ans de Secret Story. Non, le documentaire et le film La guerre des boutons. Peut-être vous avez revu Petit Gibus, Le Braque et les autres. Le film d'Yves Robert, La guerre des boutons. Il y avait tout un documentaire sur ce magnifique film culte, dont il y a eu d'ailleurs deux remakes il n'y a pas si longtemps. Qui sont sortis en même temps. La guerre des boutons. Qui a été sorti en même temps, effectivement. Oh, c'est tout bête, c'est une question culturelle que je vous pose. Pouvez-vous me rappeler le nom de l'auteur ? On lui laisse évidemment 10 secondes. Le nom de l'auteur de La guerre des boutons. Qui a écrit La guerre des boutons, dont Yves Robert avait fait le premier un film. Est-ce qu'on le sait parmi les grosses têtes ? Ben justement, c'est un Auvergnat. Hein. Ce serait bien que vous trouviez, parce que nous, on a des doutes. Ah oui, oui. Alors écoutez, est-ce que c'est un Auvergnat ? Il est né dans le Doubs. Vous avez dit ? Louis Pergaud. Louis Pergaud, c'est gagné. Bravo, Olivier. Ben heureusement, vous allez chercher. Hein. C'est un Auvergnat du Doubs. Oui, parce que... Nous, on savait pas. Hein. Auvergnat, né près de Besançon, c'est rare, monsieur Mabille. Si, avec la redécoupe des territoires. C'est bien Louis Pergaud, l'auteur de La guerre des boutons. Vous partez à Tours. Bravo, Olivier. Wow. Un petit message. Continuez ainsi, c'est parfait, vous nous faites rire tous les jours, donc c'est parfait. Oh bah c'est gentil, on va essayer de continuer pendant toute la saison, il serait qu'on en a besoin en ce moment. Écoutez les grosses têtes pour se distraire, ça fait du bien par les temps qui courent, n'est-ce pas Olivier ? Tout va bien, merci. Merci, on va être d'accord. Alors, salut. Il a gagné, il n'en a plus rien à foutre. Là, vous avez reçu avant, là. Ah, ouais. Attends, il est dans la rentrée des classes. J'en ai pris des râteaux dans ma vie, mais alors, comme celui-là. Tout va bien, au revoir. Bon, on va saluer Olivier. Une question pour madame. Une question pour madame Rampal. Circulaire, madame Rampal habite, Martine Rampal habite Puricard, dans les Bouches-du-Rhône. Ce mensuel fête déjà ses 50 ans. Faites donc le calcul, il est né en 1966. Wow, diffusé à 103 000 exemplaires par mois avec une audience de 997 000 lecteurs. Puisqu'il y a souvent plus de lecteurs qu'il n'y a évidemment d'exemplaires vendus. Parfois, il se passe beaucoup donc ce voilà, magazine. Voilà, se transmet, vous avez compris. C'est chez le dentiste. Alors de quel mensuel s'agit-il qui fête ses 60 ans ? Est-ce que c'est un mensuel qui paraît tous les mois ? Oui. Est-ce que c'est un magazine de divertissement ou d'information ? Non. Entre les deux ? Historia ? Historia, non. Est-ce que c'est Géo, plutôt... Géo ! Qu'est-ce que vous avez ? Merde. Ah bah c'est plus facile à dire. C'est pour les Géo, ados, non. Est-ce ça serait pas pour les ados ? Les ados, ah non, non. C'est un truc de jeu, de mots croisés, de trucs pas comme ça ? Pas du tout. Donc c'est un truc où on apprend. Nous deux, nous deux. Nous deux. Attends, quoi, non, quoi, on apprend rien. Deux. Ouais, non, pas nous deux, mais nous deux pas. On apprend rien dans nous deux. Science à venir. Pardon ? Science à venir. Non. C'est pas du tout dans les sciences. Il y a des photos. Oh, il y a des photos, des dessins aussi. Est-ce qu'il y a des journalistes qui travaillent dans ce magazine ? Oh, des journalistes, oui, des rédacteurs en tout cas. C'est payant ? Comment ça, c'est payant ? Est-ce qu'on peut l'acheter en kiosque ? Oui, on peut l'acheter en kiosque. C'est un almanach. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'abonnés. Voilà. C'est intellectuel ? Intellectuel, non. On ne peut pas dire ça. Mais quand même un peu. Le mot est trop fort. Le chasseur français ? Non. Est-ce que ce serait le Reader Digest ? Oh, yeah. Oh. Yes. Comment ça s'appelle ? You have through the question. The Reader Digest. All right. Oh là là là là là là. Je crois qu'elle va racheter l'OM. Voilà donc un mensuel né en 1966. Des cahiers du cinéma. Mais non, un mensuel qui fête donc ses 50 ans. Est-ce que c'est lié à un loisir ? Un mensuel qui n'a jamais cessé d'innover en un demi-siècle. Chasse et pêche ! Union ! Quoi donc ? Chasse et pêche ! Union, mais c'est un truc porno. Système oui. D. Non. Ils n'ont pas cessé d'innover. Non, mais Union. Cherchez à trouver, essayez de trouver la alors, cible. Sur les aliments. Le jardinage. Sur les aliments. Jardinage. La déco, sur la déco. Décoration. Est-ce que c'est pour les vieux ? Non, justement, non. Ah, est-ce que c'est pour les enfants ? Les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est Placide et Museau. Non, ce n'est pas Placide et Museau. Picsou Magazine. Tintin. Mais non. J'aime lire. Pardon ? J'aime lire. Et alors ? Pif Gadget, mais non. Okapi. Un mensuel. Okapi, on se rapproche. Un strapi. Non. Chocapic. Attends. Je bouquine. Vous étiez tout prêt. J'aime lire. Okapi, un strapi. J'aime lire. La bibliothèque rose. Non, c'est pas un magazine, ça. Attends, il y a quoi d'autre ? On va pas distribuer 300 euros là-dessus. Non, attends, Okapi, c'est un truc pour les gosses. Vous étiez à deux doigts. Là où il y a un petit... Arrête, tu vas l'exciter. Non, mais ça va pas. Quelle horreur. Et vous applaudissez, mon Dieu. Il devrait y avoir honte. On y lit Petit Ours Brun, Sam Sam. Pomme d'Api. Pomme d'Api, bonne réponse. Et moi, pour moi, c'est des compotes. C'est pas des compotes aussi ? Pardon ? Pour moi, c'est des compotes, les pommes d'api. Des compotes, pommes d'api. Mais oui. Non, c'est pommes potes. Pommes potes. Ah, tu lis que le début, en fait, des mots. Mais vous lisez toujours pommes d'api ? Il veut être proche de sa fille. Non, je commence à peine à lire pommes d'api. C'est pour les 3 à 7 ans, pommes d'api. Ah bah oui, c'est pour Tito. Et c'est vrai qu'on y lit, évidemment, des héros miroirs. On appelle ça des héros miroirs parce qu'ils vous servent, évidemment, à apprendre, à vous éduquer. Il faut avoir un ours comme enfant, par exemple. À avoir le même comportement que Sam Sam ou Petit Ours Brun, qui sont des héros miroirs. Mais oui, parce que Petit Ours Brun, il va se brosser les dents, il va faire dodo, tout ça. Exactement. Coquin, taquin, malin, Petit Ours Brun. Oh non, mais je savais pas qu'il y avait aussi une chanson mais pour si, ça. Bien sûr, alors, bien sûr. Bon anniversaire à Pomme d'Api. Bravo Titoff qui nous a économisé 300 euros. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui, dont YouTube, oui, et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'sais. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Ah Daniel, vous tombez bien, je suis en plein ménage de rentrée. Un petit coup de main, ça serait pas de refus là. Dites, il n'y a pas écrit Monsieur Propre sur mon front, hein, je vous préviens. D'ailleurs à ce propos, chez U, pour l'achat de 2 flacons d'un litre 25 de Monsieur Propre, eh bien le troisième est gratuit. Gratuit. Ah super, ça fait 3 costauds pour m'aider. Je perds pas ou change. Qu'est-ce que vous insinuez là? Je fais pas le poids, c'est ça? Je fais pas le poids. Citron hiver ou pureté de coton Fébraise. Jusqu'au 10 septembre dans les magasins U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Les grosses têtes de Laurent Ruquier jusqu'à 18h sur RTL. Alors, avec aujourd'hui Titoff, Isabelle Mergaux, Ariel Dombal, Bernard Mabille, Christophe Beaugrand et la nouvelle grosse tête, le comédien Jean-Baptiste Chelmekdine. Une question culturelle pour monsieur Damien Delarue qui habite Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher. Pouvez-vous me donner le nom de ce général qui se suicida sur la tombe de Marguerite de Bonnemain au cimetière d'Ixelles en Belgique? Il y a 4 mots que je connais pas là-dedans, moi. J'allais donner le nom. Oh merde. Ah. Ce serait pas Boulanger. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il avait bien du goût là. J'hésitais entre Boulanger et Darty, mais c'est Boulanger. Hein. C'est malin, Isabelle. Vous ne le regretterez jamais. Parce que tous les mots étaient absolument compréhensibles dans cette bonne question. Bonnemain, tu connais Bonnemain. Suicidé, tombe. Marguerite de Bonnemain, c'était sa maîtresse. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Et il s'est effectivement suicidé sur la tombe de sa maîtresse au cimetière d'Ixelles. Oui, je connaissais pas. Le 30 septembre 1891. Je serai enterré au cimetière de Triple Ixelles, moi. Vous auriez trouvé le général Boulanger, Ariel. Mais écoutez, je confonds avec un écrivain Boulanger qui était chauve. Vous voyez que je l'ai dit. Oui, mais là, il n'a jamais dit qu'il ne l'était pas. Ah, c'est Poilane, non? La famille Boulanger. La famille Boulanger. Une question culturelle qui va rattraper celle-ci qui fut un peu gâchée. Oui. Et je vais donner une nouvelle chance donc à notre auditeur, M. Damien Delarue, qui habite Romorantin-Lanthenay, parce que franchement, ça aurait été injuste qu'il perde ainsi, alors que je vous ai donné une partie de la réponse. Donc, le pauvre. Toujours pour Monsieur Delarue. La question suivante va être comme un conte que je vais vous raconter. Oh, c'est beau, je m'assois bien alors. À vous de retrouver ce conte, chers amis, chers enfants, grosse tête. Oh oui, papa Ruquier, raconte-nous des belles histoires. On fera un gros dodo après. Un enfant de cauchemar. Bien ça. Le mec, il a jamais vu un enfant de sa vie, quoi. Ah ouais. L'enfant de l'horreur. C'est la rentrée des maternelles. Pourquoi tu es méchant avec moi, le gros monsieur Tito? C'est Chucky. Ah non. L'ancien gros. Arrête Bernard, t'arrêtes pas de me montrer ton zizi. Il était une fois. Ce serait amusant d'ailleurs, c'est vrai que vous tentiez de répondre à la question tous avec des voix d'enfant. Ah ben voilà, tu vois. Ariel ne changeait rien. Un tout petit peu quand même. C'est vrai que vous avez une voix d'enfant, Ariel. Parfois. Voici donc le conte qu'il s'agit pour vous de retrouver. Il était une fois une belle princesse. Ah oui, c'est moi. Je vous rappelle évidemment que toutes les questions que je vous pose ont un lien généralement avec l'actualité. Voilà. Vous avez déjà un défaut. C'est pour vous aider. C'est quoi l'actualité? Reprends ta voix normale. C'est un gosse qui a fumé. Je deviens animateur des grosses tétines. Mais toi Bernard. Bernard, t'as pas besoin de faire la voix, t'as déjà le physique. Il était une fois. Une belle princesse qui se retira dans un bois pour pleurer. Oh, j'ai eu peur. Elle vit un homme très laid. Bernard. Et Bernard, il est sur la plage. qui m'a dit 10. Il était en Bretagne. Et vu le prix du lait, elle se retira. Il était une fois une belle princesse qui se retira dans un bois pour pleurer. Elle vit un homme très laid. Mmh. Cet homme, évidemment, la consola et la demanda en mariage pour pouvoir lui donner de l'esprit en plus de sa beauté. Mais quel âge elle avait ? La princesse avait si peu d'esprit qu'elle accepta de l'épouser dans un an, jour pour jour. Et l'homme en question lui transmit son esprit. Et la chouille. Et des champignons, mais ce n'est pas de la menthe. Il lui transmit son esprit comme la fée lui en avait donné le pouvoir. Ah, il y avait une fée aussi. Oui. C'est Christophe. La fellation. Tous les jeunes princes du royaume allèrent à sa rencontre car elle était belle. Oui. Et elle était en plus devenue intelligente. Ah. Mais elle refusa leurs mains car elle voulait réfléchir avant de prendre une décision. Puis elle retourna dans le bois pour réfléchir. Tout à coup, le loup, le sol s'ouvrit sous ses pieds. Ouh. Et une cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique apparurent et surgirent de terre. Cela faisait un an exactement qu'elle avait promis de se marier à comment s'appelle cet homme ? Bernard Mabille. Non. Tout ça pour ça. C'est le nom du comte. Barbe bleue. Mais non, justement. C'est un ogre ? Ah, ce n'est pas un ogre. Mais attendez, on le connaît ce comte ? Ah bah oui, évidemment, il revient dans l'actualité. Il y a un bouquin qui sort. Bravo. Et c'est genre le croque-mitaine. C'est une femme qui a écrit ? Oui. Babylone ? Non. Ah, le Riquet la Houppe. Et c'est Riquet la Houppe. Ah bon ? Bonne réponse de Bernard Mabille. Madame Noctombe. Non, c'est pas. On ne doit pas dire Riquet la Houppe, mais Riquet à la Houppe. C'est ce que je dis. Et donc, Riquet à la Houppe, c'est le monsieur très très vilain ? Exactement. Ah bah, je pensais pas. C'est un conte de Perrault, Riquet à la Houppe. Bah ouais, un conte populaire. Charles Perrault l'a repris et aménagé à sa façon, mais c'est avant tout un conte de Perrault. C'est ainsi qu'on le connaît, ce conte en prose, qui raconte effectivement l'histoire de Riquet à la Houppe, cet homme laid à qui une princesse promet le mariage. Mais la Houppe, c'est quoi la morale de ce conte ? Oh ben, la morale, c'est que l'amour donne l'esprit et l'amour à tout ce qu'il touche. La beauté morale ou physique n'existe que dans les yeux du spectateur. Vous avez sorti ça comme ça, naturellement. Parce que moi-même, je suis un petit peu Ricky à la Houppe. Ah, oui, Ricky à la Houppe. Pas Ricky, Ricky. Ah bon ? Ricky à la Houppe, c'est ton chien. Son horrible chihuahua. Quel conte vous connaissez, vous, Ariel ? Oh, celui que je préfère, c'est le conte d'Andersen, La petite sirène. Ah bah oui, forcément. Il me fait pleurer. C'est vous, La petite sirène. Oui. Oh. Merci, Laurent. Je vous emmènerai sous la mer. Elle a beaucoup nagé, La petite sirène. Non, elle est sublime. Moi, c'est Monte Cristo. Ah oui, le comte de Monte-Cristo. Le comte de Monte-Cristo. Et vous, monsieur Titoff ? Les trois petites cochonnes. Ah, ça, c'est bien. Hein. Vous connaissez tous les contes à Perrault, vous ? Sur le bout du coude. Non, Blanche-Neige, moi, le classique, Blanche-Neige. C'est important, les contes, pour les enfants, quand ils s'endorment la nuit. Vous qui êtes maman, Isabelle, quel conte vous racontez le soir ? 3x2. Comment ça, 3x2 ? Fait un compte rond. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Cuisinière exigeante. Cherche le sac pratique et tendance pour faire ses emplettes avec style. Justement, chez Grand Frais, le mercredi 31 août, un sac shopping d'une valeur de 1,99€ vous est offert. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Remis lors de votre passage en caisse le mercredi 31 août, limité à un sac par foyer. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMAF Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de 2 jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. Yves Calvi, c'est quoi pour vous mettre les gens au cœur de l'info? C'est inviter les meilleurs experts politiques et économiques pour qu'ils nous expliquent tout ce qu'il se passe autour de nous, ici et dans le monde. Bref, tout ce qui fait débat. Et vous, vous faites quoi? Je traduis. Yves Calvi, 18h-20h sur LCI. LCI, vous êtes au cœur de l'info. Sur le canal 26. Trois enfants à la maison, ça en fait des bouches à nourrir. Avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tous les produits pâturage, Chabrier, Paquito et Apta. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté, famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Les grosses têtes se poursuivent dans un instant sur RTL, juste après vous avoir annoncé que vous pourrez applaudir la nouvelle pièce de Laurent Ruquier à droite à gauche avec Francis Huster et Régis Laspalès. Et ça se passera à partir du 15 septembre au Théâtre des Variétés à Paris. Et maintenant, justement, levée de rideau sur le grand studio de RTL. Une question d'actualité pour Jean-Pierre Rubata qui habite Grenoble. Et Grenoble. J'ai fait ça ? Un peu. Ah bah oui. Il y a sur Grenoble. Villes, vous savez qu'on se connaît depuis quelques années sur certaines villes. Vous appuyez. Non mais c'est une ville magnifique. Mais pas, non. Oui. Non, on peut pas dire ça non, non plus. Faut pas exagérer. Pas, entre montagne et. Je n'ai pas de bons souvenirs là-bas. Voilà. Il y a un téléphérique pourtant. Pardon. Il y a un téléphérique. Il suffit pas qu'il y ait un téléphérique pour qu'on trouve une ville jolie. On peut monter très haut, non ? C'est vrai. Non, mais les gens sont sympathiques à Grenoble et oui, tout, mais c'est une ville difficile. C'est la ville des Noirs, non? Des Noirs, des on noirs. Dit pas c'est des... la ville des Noirs. On dit pas des Noirs, on dit des fruits secs de couleur. C'est... En tout cas, c'est dans l'Isère, Grenoble. Je l'ai mieux dit là. Dans l'Isère. Monsieur Rubata. Rubata. Il a un boucher tout taché. On n'y arrivera pas. Il espère 300 euros, monsieur Rubata. À Grenoble. Si vous me dites, ou plutôt si vous ne me dites pas, il touchera ce chèque de la part de notre douce station RTL. Qui, hier, a cassé une horloge devant tout le monde? Oh, est-ce vilain, que c'est un homme politique? Un homme politique, c'est un, non. C'est un conte encore? Non, c'est pas un conte. Il a fait exprès? Hier, non, il n'a pas fait exprès. Ah. Hier, quelqu'un a cassé une horloge devant tout le monde. Maladroit. Ça s'est passé à Marseille? On a les images, d'ailleurs. En France? À Marseille, non. En France? En France, non. Ah. Mais c'est quoi? C'est aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Ah, est-ce oui. que c'est un Français qui a cassé cette horloge? Mais c'est un Français qui a cassé l'horloge. Oh, c'est un sportif? Non. Un sportif, oui. Avec une batte Parker, de baseball. Tony Parker? Tony Parker, non. Est-ce que c'est pendant... le fils de Yannick Noah? Pardon. Le fils de Joachim Noah. On dit pas un Noah, on dit. On dit une personnalité de couleur. Non mais alors, est-ce que ça s'est passé pendant un non, match c'est lui, comme c'est un match Noah. C'est ça ou pas? C'est lui, c'est pas, lui, non, c'est pas lui. Ce n'est pas Noah. C'est du baseball. Alors, c'est un footballeur. Ce n'est pas un c'est footballeur. C'est un coureur. C'est le c'est Bolts. Bolts. Quoi? Celui qui court. Il est français. Il est français. Ah, c'est un français. Mais non, mais non. Mais non, Usain Bolt n'est pas français. Usain Bolt est jamaïcain. Je savais pas que c'était un français. Ah, mais c'est pas un français, Usain Bolt. Non. Oh, je ne savais pas que c'était un français qui avait cassé une horloge. Mais une horloge. Une horloge, horloge ou... C'était, oui, mais pourquoi c'était pas une horloge, horloge? Tu veux que ça soit une horloge comment? Ah oui, oui, non, c'est vrai. Non, mais pas une horloge normande, quoi. Est-ce que c'est une horloge comme sur un match de... Oui, non. Un chrono. Est-ce que c'est un chrono, voilà. La petite horloge qui sonne et qui donne c'était le réveil. C'était une horloge Citizen. Oui, c'est pas une horloge avec un coucou, quoi. Est-ce que ça a fait un scandale ou c'était grave? Non, ça n'a pas fait un scandale. Ah, c'est un merde. C'est au tennis. C'est au tennis. L'US Open, il faut voir... Richard Gasquet. Ce n'est pas Richard Gasquet. Gaël Monfils. Et c'est Gaël Monfils qui a cassé l'horloge hier. Avec la balle. C'est une première parce que en général il casse rien. Hein. Non, il est bon. Ah, il a gagné hier. Il a gagné Gaël Monfils contre son adversaire Gilles Muller. Il a même dit que d'ailleurs son adversaire avait un jeu très chiant. Ah, et puis alors, à un moment donné sur une balle de 7 hein, quand même en deuxième manche, il s'est mis à vouloir rattraper une balle qu'il a d'ailleurs pas réussi à rattraper et c'est cogné contre l'horloge du fond de cour. Et l'horloge, mais il aurait pu se blesser. Hein. Et l'horloge s'est ramassée par terre contre lui. Et évidemment, il a été un peu choqué sur ah, le coup. Ah oui, ça aurait pu être plus élégant avec une vraie balle de tennis qui fait éclater l'horloge. Bien sûr, ouais. Alors là, il est maladroit, il est juste tombé. Quoi. Mais je suis assez d'accord, c'est décevant. C'est mon fils qui a cassé. Mon fils qui a cassé l'horloge. Non. Et donc, une fois l'horloge cassée, quoi, le match est fini. Non. Et on est puni quand on casse une horloge ou pas? Non, mais ça, c'est pas tous les jours qu'un tennisman casse une horloge, quand même. Sûr. C'est dans l'équipe que j'ai trouvé cette information aujourd'hui. Mon fils qui a quand même gagné, donc, contre Muller. Gaël, mon fils, a cassé cette horloge Citizen. Il est rentré dans le tournoi en trombe, nous dit l'équipe aujourd'hui. Il s'explique, hein, tout simplement. Il dit, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé car je n'ai pas pris appui sur cette horloge. J'ai sauté, j'ai touché l'horloge et vu que ça n'était pas bien fixé, l'horloge a basculé. Heureusement que cette lourde horloge n'est pas tombée sur sa jambe droite. Après avoir sur la gauche, allez, mais la droite, non. Pas la droite. Après avoir touché son épaule du même côté, je l'ai surtout senti au niveau du dos, dit-il. Il a quand même reçu sur le dos. Alors. Il s'est pris l'aiguille dans le cul. La petite ou la grande? Bernard, vraiment, cette plage vous a monté à la tête. Ça me rappelle en tout cas cette chanson. C'est pas moi, c'est mon fils qui a cassé l'horloge. Vous vous souvenez de cette chanson de Sim ou de Patrick Topalov? C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Ça avait été repris par Bourvil d'ailleurs. Oh bah non, alors. On vient de me la donner. On l'a en magasin, on l'a. Oui, mais on n'a pas l'air. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. C'est pas moi, c'est ma sœur. C'est pas moi. On pourrait faire la version 2016. C'est pas moi, c'est mon fils qui a cassé l'horloge qui donne l'heure. Mais Ariel Dombal, je vous propose de nous relancer cette chanson sur RTL. D'accord. Avec une version plus moderne, si vous le souhaitez. Oui, monsieur Titoff. Je veux bien accompagner. Ah, c'est vrai, tous les deux. Et on sentait quand même, c'était quand même une autre époque. Hein. Ah oui, c'est pour ça. C'était joyeux. C'est pour ça qu'il faut faire une version un peu plus moderne, un peu plus hip-hop, Ariel. Bon. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a caché la machine à vapeur. C'est pas moi, c'est ma sœur. Je me retire du projet. Je pense qu'elle a pris de la drogue. Je pense qu'elle est dépensée. On a un vrai musicien dans cette équipe, c'est Jean-Baptiste Chelmerdine. Jean-Baptiste, vous pouvez peut-être donner votre version un peu plus rap, un peu plus hip-hop, un peu plus... Moins vieille, en un mot. Je sais pas faire du rap, mais alors... ok. C'est du rap. Hein, vas-y, frère. Spécial dédicace à tous les frères du 8e arrondissement. C'est pas moi, c'est ma rose qui a cassé la machine à vapeur. Vas-y, aide-moi, je t'en supplie. Vas-y, Jean-Baptiste. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Ouais, c'est pas moi, c'est ta sœur. Vas-y, cette pute. C'est pas moi, c'est ma sœur que tu traites de pute. Vas-y, t'es pas dans le secteur. C'est pas moi, c'est ma sœur. Toi, t'es la machine à vapeur. Pom, pom, pom, c'est ma sœur. À vapeur, je me trompe, je sais pas. Qui a cassé la machine à vapeur. Oui, ta sœur, bouffon. Les grosses têtes. Laurent Ruquier sur RTL. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis donc Zoé, c'est pas toi qui perds toujours tes bâtons de colle? Mais non, c'est Tristan, il me les pique tout le temps. Bon, t'en fais pas ma puce. Jusqu'à lundi chez Carrefour, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 6 bâtons de colle scotch. Cool, comme ça j'aurai 6 bâtons de colle scotch rien que pour moi. Bah ouais, mais par précaution, on va quand même en prendre un lot aussi pour Tristan. Hein? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'à lundi, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 6 bâtons de colle scotch. 6 x 8 grammes, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Attention, question. Sur des balances, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? 1 kilo de plomb. Pas mal, Bernard. Évidemment, c'est faux. Le seul véritable moyen de gagner à tous les coups, c'est de commander et faire monter ses pneus sur allopneus.com. Allopneus.com vous garantit les meilleurs prix du web et vous offre même une remise supplémentaire si vous trouvez moins cher ailleurs. Jusqu'au 20 septembre seulement, achetez des pneus Bridgestone et recevez un bon d'achat jusqu'à 50 euros chez showroomprivé.com. Vive la rentrée avec Bridgestone. Conditions sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. Géant, Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à mercredi dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur le PC portable Acer Aspire ES1 15,6 pouces, disque dur 500 Go, 4 Go de RAM à 399 €, soit un bon d'achat de 159,60 €. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 1er au 7 septembre. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. Dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Et maintenant, l'horloge des grosses têtes vous indique l'heure. C'est l'heure de la valise sur RTL. 1042 € dans la valise RTL. Un parasol, un demi-parasol. Hein, rappelez-vous. Ah, pour les balcons. Et oui, exactement, ah, un demi-parasol. Ah, c'est malin, ouais. Et un Transat City Green. Voilà. Cujat. Pardon. Cujat. Comment ça, Cujat? Pour les Cujat. Un demi-parasol. Demi-parasol et Transat Cujat. Pour les mini. Oui. Pour les mini-terrasses. Il n'y a pas de pied. T'as pas le temps, t'as pas la place d'étendre les pieds. Non. Mais comme t'en as pas, c'est pas grave. C'est la collection Mimimati. C'est juste pour fermer le parasol. Quoi. C'est quand même sur. C'est un marché de niche, hein, comme on dit. C'est à vous, chère Isabelle, que je vais demander un numéro entre 1 et 20. Et c'est vous qui allez appeler notre auditeur si vous le souhaitez. Elle revient en grâce, hein, je vois. 11. Wow, 11. Bien joué, allez. C'est gentil, c'est Isabelle. Vous allez appeler Brigitte Delmas. Elle habite Bessancourt. C'est dans le Val-Loire. Bessancourt. Ça va sonner chez Brigitte Delmas. Notez bien son nom, son prénom. Delmas. Et vous allez lui demander le contenu de la valise RTL, une toute nouvelle valise avec peu de choses encore, c'est donc gagnable assez facilement. Voilà, j'ai noté son nom et son prénom. Ça sonne, Brigitte Isabelle. Delmas. Brigitte. Bri-bri pour les intimes. Allô, bonjour. Ça marche plus. On peut plus te faire de blagues. Ça sonne à Bessancourt. On sent l'homme de radio. Attendez, quand même. Attendez, ça a décroché. Ça sonne en Bessancourt. Et là, le sens. Ça a décroché, écoutez. Isabelle. Allô? Oui. Brigitte. Oui. Delmas. Bonjour. Oui, c'est ça. C'est Bri-Bri de Bessancourt. Oui. Oh, eh ben, écoutez, bonjour. Voilà. Brigitte Delmas. Delmas. Brigitte Delmas. Delmas. Elle habite en Bessancourt et on lui donne tout notre amour. Brigitte Delmas. Delmas. Brigitte Delmas. Delmas. Ne les écoutez qu'elle pas. Va gagner. Elle va nous raccrocher au nez. J'allais dire ce qu'il y avait dans la valise. Est-ce que vous avez reconnu qui vous appelait? Est-ce que c'est pas Ruquier? Oui, pas mal. Enfin, oui, mais là, en l'occurrence, c'est qui parle? C'est pas Ruquier. Non, c'est pas Ruquier. À votre avis, écoutez bien. Bon, c'est Isabelle Mergault à l'appareil. Ah, Isabelle, bonjour, voilà. Isabelle Mergault, vous allez bien? Ouais, ça va. Elle a eu une émission difficile. Écoute, Isabelle. Pour une fois que quelqu'un s'intéresse à toi. Je vous rappellerai le mois prochain pour vous expliquer. Oui. Bon, tais-toi. Oui. Brigitte. Oui. Vous n'étiez pas en vacances. C'est quoi votre petit nom? Comment on vous appelle? Bri-Bri ou Didit? Je m'appelle Didit. Ah, Didit. Ah, c'est joli. Alors, Didit, je souhaite de tout mon cœur, car vous allez, parce que vous avez l'air fort sympathique, que vous avez noté. Le contenu. J'écoute tout le temps la valise. Vous l'avez l'été. Vous l'avez? Non, je pense pas. Non. Oh. Mais bon, je peux dire un chiffre au hasard. J'ai entendu depuis vendredi. Elle va mourir alors. Combien la somme? Il y a beaucoup de choses dedans dans la valise. Non, il y a deux trucs. Mais il y a des trucs quand même. Allez-y, Brigitte. Essayez, Brigitte. 1014 €, mais après, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Non, c'était 1042 €. Déjà. Brigitte, pourquoi 42? 1042. Parce que 42 médailles olympiques. C'est pas la peine de lui donner un moyen mnémotechnique. Vous avez compris, Brigitte, ce qu'elle vous a dit. Brigitte, Brigitte, est-ce que vous avez un petit balcon chez vous? Non, j'ai un jardin. J'ai Vous n'avez rien perdu alors. C'est pas grave. Parce qu'il y avait un demi-parasol à gagner. Dans la valise, il y avait 1042 euros, un demi-parasol et un Transat City Green. C'est pas grave. Je suis contente d'avoir été tirée au sort déjà. C'est vraiment super. Je vais vous rajouter, pas pour vous, mais pour les prochaines personnes que nous appellerons, j'ajoute en plus du demi-parasol, du Transat City Green et des 1042 euros qui figurent déjà, j'ajoute des boules au but. Il y en a combien une et c'est oui, tout en programme. Si des moitiés. Le magasin où je suis vous donne le bonjour. Vous êtes dans quel magasin? Sergi Pontoise. Il vous donne le bonjour et puis comme ça j'en fais de la pub. C'est quoi ce magasin? C'est un magasin de quoi? C'est un magasin de vêtements pour femmes. C'est des moitiés de vêtements. Non mais attendez, alors Brigitte, alors vous allez peut-être avoir un cadeau quand même. Vous venez de leur faire de la publicité devant 2 millions d'auditeurs. 2 millions d'auditeurs, voilà. Alors piquez quelque chose. Hein, vous pouvez partir avec une robe. Elle me donne un cadeau. Ah, bah voilà. Je vais vous envoyer une montre RTL de toute façon, Brigitte. C'est gentil. Et j'ajoute quand même dans la valise donc une triplette de boules au but de la gamme. C'est quoi Sun. Trois boules. Des boules. Ce sont des boules 100% inox, finition satinée. Un peu douloureux, mais c'est des moitiés de boules, comme le parasol. Avec un cochonnet et une chamoisine. On peut nettoyer ces boules. C'est pour nettoyer les boules. Mais ils savent que les vacances sont finies à RTL. Mais non. Attends, mais alors la pétanque, on peut y jouer toute l'année. Justement, c'est le slogan qu'on m'a écrit sur la feuille de parrainage des cadeaux. C'est écrit « C'est toujours l'été, Madame RTL a encore la tête en vacances. Et avec une chamoisine. Et sachez que toutes les boules au but sont conçues et fabriquées en France. Mais j'ai jamais entendu parler de cette expression « boule au but » pour mais moi. Mais non, c'est la marque. C'est la marque au but. Ce sont des boules. La marque, ça s'appelle « but ». C'est pas un seul mot « boule au but ». C'est super boule. Oh là là, en plus, franchement, avec la petite en chamois, tu peux avoir des boules super brillantes. Les copains, je l'aime bien, mais elle est un peu con quand même. C'est la marque. La rentrée est difficile quand même. T'as la boule au but et le ballon pétanque, qui est une marque aussi. Et la bite Bézancourt. Brigitte, on vous envoie une montre RTL. Merci beaucoup, c'est très, très sympathique. On vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Une autre question, si vous le voulez bien. Normalement, très simple, cette question. Vous avez certainement vu que le Colisée, ce monument iconique de la capitale italienne, Rome, a fait... Rome. C'est un peu comme Grenoble. T'as un mauvais souvenir à Rome aussi. Non, mais je donne un peu de dynamisme à cette émission. Parce que les villes... Unique objet de mon ressentiment. Les villes sont jumelées, c'est pour ça que... Rome et Grenoble. Le monument iconique de Rome, le Colisée. Vous avez déjà visité le Colisée, j'imagine. Oui, se fissure. Alors, c'est fini. C'est fini, justement. Il a été réparé. Colmaté. 25 millions d'euros, c'est ce qu'ont coûté les travaux de restauration. Mais justement, ma question, c'est qui a... Davido. C'est elle. Qui a fait les restaurations? D'Amido. Mais non, c'est pas Valérie D'Amido. Mais non, il y aurait des paillettes et tout ça. C'est Bouygues. J'imagine qu'elle... Elle a marouflé de partout, dis donc. Je vais vous mettre un petit truc, des pétales de rose. On voit bien qu'elle s'y connaît en restauration. Hein. Alors. Oh non. Et donc, quelqu'un a réparé les Bouygues. Fissures c'est et quoi, a payé. Mais non, c'est pas quelqu'un qui a réparé les fissures. Ils s'y sont mis à plusieurs, Ariel, vous voyez quand même. Et c'est quoi la question? Ça a coûté 25 millions d'euros. Qui a payé, justement? Qui a financé les travaux du Colisée Sur Internet. Ça me gêne, je voulais pas en parler. Est-ce que ce n'est pas le merveilleux couturier Valentino? Non, ce n'est pas... Est-ce que c'est un Italien? C'est un bonhomme? Alors, c'est un Italien, effectivement. Ouais. Seule personne? Je peux vous donner son nom, parce que je ne suis pas sûr que son nom vous dise quelque chose, mais c'est le patron de quelque chose de très connu. C'est Diego Della Valle. Est-ce que c'est le patron de Ferrero? Ferrero, chez... Diego Della Valle vient de racheter la maison Schiaparelli et il a aussi Todd's. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Voilà, parlez-vous de marque de luxe. Voilà, dès qu'on parle luxe... Nous, on était sur Ferrero Rocher, c'était Schiaparelli, tu vois. Effectivement. On va chez André, Gabi. Là, nos chaussures. Alors, bien sûr, on est paumés, nous. C'est des chaussures, les Tods. Oui. Tods, ah, les chaussures beau. Tods. Et les mocassins. C'est les chaussures à picot. Peut-être avez-vous des Tods, chère Ariel. J'ai eu des Tods à picot. C'est une belle marque. Mais non, mais bravo à Diego de Laval. Et parce qu'en plus, il le fait comme ça discrètement. Le jour où la gauche va revenir, toi, ils vont t'avoir dans le collimateur. Crois-moi. J'ai eu des Tods à picot. Si Mélenchon est élu, elle est guillotinée. Hein. Les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Depuis quelques mois, ma consommation augmente. Pourtant, je roule normalement. Vérifiez votre filtre à air. S'il est encrassé, ça peut expliquer votre consommation. C'est compliqué à changer, ça, non ? Il est très simple de le changer soi-même. Oscaro.com vous donne accès à toutes les références de filtre à air jusqu'à deux fois moins cher. Je me lance. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Intersport. Chloé, quand on aura des enfants, tu crois qu'ils feront du sport le mercredi ? Bah oui, ils feront du foot en Nike. Chez Intersport, les chaussures de foot Nike sont à 24,99€. Ok, mais les chaussures de foot Adidas sont à 24,99€. Va pour les Adidas. Va pour les Nike. Adidas ? En ce moment, chez Intersport, les chaussures de foot junior Adidas Conquisto 2 ou Nike Tempo Rio 3 sont à 24,99€ au lieu de 34,99€, soit 28% de réduction. Intersport, le sport commence ici ! Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions, date et liste des magasins participants sur intersport.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Me dites pas que... Si, c'est la foire au vin chez Lidl. Dès demain, le Côte-du-Rhône vieille vigne 2015 AOP médaillé d'or, eh bien le carton de 6 bouteilles dont 2 gratuites est à 11,56€, soit 1,93€ la bouteille. Moins de 2€ la bouteille ? 6 bouteilles dont 2 gratuites à 11,56€. Ah, nos efforts restent vains. Ça pleurait, oui. On est mal, hein ? Très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,57€ le litre au lieu de 3,85€. La bouteille à l'unité, 2,89€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL. Première radio de France. RTL. Il est 17h. Les infos présentées par Marie Guerrier. Emmanuel Macron va prendre la parole d'un instant à l'autre. L'événement politique du jour, c'est sa démission du gouvernement. Vous êtes au ministère de l'économie pour RTL, Marie-Bénédicte Allaire. Oui Marie, eh bien écoutez, pour l'instant pas de confirmation officielle. Les journalistes sont toujours devant Bercy, on ne nous a pas encore fait rentrer à l'intérieur. Si la déclaration est imminente, en tout cas nous n'avons pas pour l'instant l'heure à laquelle Emmanuel Macron va confirmer officiellement qu'il quitte le gouvernement. Il est allé cet après-midi au ministère, rencontrer François Hollande à l'Élysée. Il a été reçu donc brièvement par le président de la République à qui il a remis sa démission. Emmanuel Macron, 38 ans, était ministre de l'économie depuis 2 ans. Il est à la tête d'un mouvement politique qu'il a baptisé En Marche et on lui prête des ambitions présidentielles, Vincent Derosier. Oui, même si ce soir il ne devrait pas être candidat, Marie. En tout cas, il a passé une petite demi-heure dans le bureau du président. Emmanuel Macron n'a pas eu besoin de plus pour remettre sa lettre à François Hollande et expliquer son choix. Le chef de l'État a, selon un ministre, tout essayé pour le convaincre de rester, mais sa décision était irrévocable. C'est la dernière provocation du locataire de Bercy. Une arrivée à l'Élysée en navette fluviale, sous l'œil des caméras, dossier sous le bras, tranquille, façon de montrer qu'il assume cette sortie, qu'en aucun cas il ne l'a subie. Tout a été parfaitement orchestré depuis ce matin, mais par ses équipes, pour montrer que c'est une décision apaisée, réfléchie, sans clash, pas d'affrontement, ni dépit ni reniement, ce sont les mots de son entourage. Emmanuel Macron doit s'exprimer donc d'une minute à l'autre à Bercy. Il attend en fait le communiqué officiel de l'Élysée qui annoncera le nom de son ou ses successeurs. Il était prévu à 16h. Il tarde à être publié. Pas facile de trouver les mots pour expliquer un départ aussi important. Merci beaucoup Vincent Derosier. Nicolas Sarkozy en déplacement à Châlons-Champagne a eu ce commentaire. Si j'ai bien compris, ça fait 4 ans qu'on n'a pas de politique économique et dans 4 minutes, on n'aura plus de ministre de l'économie. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marie. Vous suivez bien sûr cette actualité politique de près. Comme vous l'imaginez, donc, cette démission d'Emmanuel Macron fera la une d'RTL Soir. Nous vous raconterons les coulisses de cette démission, que certains appellent déjà d'ailleurs désertion. Nous serons à l'Élysée, à Bercy. Vous entendrez les proches de l'ex-ministre de l'économie. Nous nous poserons évidemment toutes les questions et nous aurons toutes les réponses. Et notamment grâce à Alain Duhamel, qu'on est très heureux d'être avec lui comme tous les soirs à 18h30. Marie. Merci. Voilà, j'en perds mes mots. À tout à l'heure, Marc-Olivier, dans RTL Soir à partir de 18h. Dans l'actualité du jour, jour. Il y a aussi les producteurs de lait qui ont cessé leur action contre le groupe Lactalis après qu'un accord a été conclu à la mi-journée sur la hausse du prix du lait. La justice a invalidé l'arrêté municipal de Cannes contre le burkini, se conformant ainsi à l'avis du Conseil d'État sur la liberté de porter ce vêtement de bain intégral. Un policier a été poignardé dans un commissariat du centre de Toulouse cet après-midi. L'agresseur a été interpellé. On ne connaît pas pour l'instant ses motivations. Il a tenu des propos confus selon les premières informations. Ça s'est passé dans la zone d'accueil du commissariat rue du Rempart Saint-Étienne à Toulouse. La blessure du policier est sérieuse, mais le pronostic vital n'est pas engagé. La météo de demain sur la France, eh bien, c'est une journée d'été qui s'annonce. Du soleil après dissipation des brumes locales. Attention aux orages quand même dans le sud-est. Il ne fera qu'une vingtaine de degrés au meilleur de la journée le long des côtes de la Manche, mais partout ailleurs, les températures grimpent. 25 prévus à Lille, 28 à Nantes, à Marseille, à Strasbourg, 29 à Paris, 30 à Lyon et Toulouse demain. Il est 17h03, vous êtes sur RTL. La fin des courses dans une dizaine de minutes à Clairefontaine avec Bernard Glass. Mais d'abord, les grosses têtes et Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Tukoff, Jean-Baptiste Chelverdine, Bernard Mabie et Christophe Beaugrand. Une question pour Monsieur Simon Mériadec, qui habite Laval. La question concerne à la fois l'actualité, puisque c'est lors de certaines commémorations qu'on a pu revoir les militaires, les élèves militaires de l'école de Saint-Cyr. Mmh. Et vous savez évidemment que les élèves officiers des écoles de Saint-Cyr portent tous une coiffe emblématique, avec des plumes de coq, qui porte un nom bien particulier. Le casoar. Le casoar. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo Bernard. Ouais. Merci Bernard. Merci Bernard. Laurent a des questions culturelles, donc... Ça fallait le savoir, le casoar. Ça pouvait être Ariel ou moi. Vous auriez su répondre, Ariel ? Oui, Ariel, ça mange pas de pain. Le casoar est rouge en dessous, blanc dessus. Oui. Et moi, un casoar, je croyais que c'était un mélange vin rouge cassis. C'est des plumes de coq, non ? 150 plumes de coq. Il faut 150... Voilà. Attends, ce que j'ignorais, c'est vraiment le travail et le soin avec lequel on fabriquait ces chapeaux des élèves officiers de Saint-Cyr. Il faut 5 heures de travail par casoar. Bah, 150 plumes. Il vaut mieux mettre le coq en entier carrément sur la tête. Les plumes de coq arrivent tout droit d'Asie. Il faut que les coqs soient plus... Attends, alors pourquoi ils viennent d'Asie? On n'a pas des coqs chez nous. C'est notre emblème français, on n'en a pas assez. On n'a pas des coqs avec des coqs de Chine. C'est comme ça. Il faut des plumes rouges, un certain rouge. Non, elles sont teintes. Non, on les teint, à la main. Mais elles sont plumées à la main. On plume le coq à la main. Vivant. Pour ne pas abîmer. Pour ne pas abîmer les plumes, vous voyez. Vivant. Ouais. Elles passent une à une. Individuellement, chaque plume passe dans les mains expertes de 6 personnes qui travaillent. Oui, c'est en Chine, c'est sûr. Ça se passe alors. Pour le coup, en France, la fabrication. Et alors, on doit enlever le petit duvet inutile. Vous voyez. Du Saint-Cyrien, du Saint-Cyrien. Mais non. Ensuite, on met un petit coup de vapeur pour la mise en forme et les plumes sont coupées toutes, évidemment, à la même longueur. Elles sont taillées. On taille une plume. Exactement. Ils ont intérêt à ne pas les abîmer. Hein. Et si jamais on ne fait pas l'école de Saint-Cyr, mais qu'on veut un casoir, c'est possible on peut les faire construire. Tu peux mettre les plumes dans le fion. Attends, 120 plumes dans le fion, c'est faut avoir un gros fion quand même. C'est pas ta première plume. Mais c'est sans duvet. Sans duvet. Une autre question historique et culturelle. Si vous avez lu Le Parisien aujourd'hui, saurez me répondre. C'est Sébastien Morelli qui nous rappelle qu'Émile Zola et Édouard Drummond, pourtant très opposés l'un et l'autre, complètement. Ça s'écrit pas du tout pareil. Mais non, puisque Émile Zola avait évidemment défendu Dreyfus avec son célèbre J'accuse, alors qu'Édouard Drummond, lui, était un journaliste antisémite. Eh bien, pourtant, ce journaliste antisémite, Édouard Drummond, et Émile Zola, qui était lui évidemment défenseur d'Alfred Dreyfus, ont tous les deux porté le même cercueil lors de funérailles. Le cercueil de qui ? C'est Monet, Victor non ? Victor Hugo. Victor Hugo, non. C'est pas Monet ? Monet, non. Clémenceau ? Un peintre ? Un peintre, non. Un écrivain ? Un écrivain, oui. Ah. C'était quelqu'un, oui. Quelqu'un de mort ? Pourquoi je vous pose cette question ? Oui. C'est oui, mieux. C'était quelqu'un de mort. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que quand même, c'est assez beau de s'imaginer oui. que quelqu'un oui, ait pu être ami à la fois avec un journaliste antisémite et mmh. Émile Zola, qui lui, pourtant, défendait à l'époque ah, Dreyfus. Ouais. Et que les deux, à sa mort, se soient réunis et oublié leur opposition Céline. Pour porter son cercueil. Moi, Daudet. Non, Daudet. Alphonse Daudet. Bonne réponse de Bernard Mabille. Attendez, je veux quand même rajouter qu'Alphonse Daudet a écrit les lettres de Montmoulin. Ah, merci ah, voilà une beaucoup. Émission pour les ah ouais. moins de 2 ans. Oui, alors ça, on le savait quand même. Ah bah non, c'est les gens ne le savaient pas. Ah, ah bah quand si, même ça quand même. Même moi. C'est pour vous dire. Mais alors, oh là attendez, là. Je vais vous piéger. Ne dites rien, n'aidez pas Ariel Dombal, parce que les lettres de Montmoulin... Elles se remaquillent. Elles se remaquillent. Elle pour répondre. Elle est en train de se remaquiller pour me répondre. C'est Tots qui lui paye le maquillage. Après le Colisée, Tots maquille Ariel Dombal. Ceci dit, elle a l'air sur rouge. Elle a son petit miroir, elle ouvre la bouche en... Elle est en train de se mettre du phare. Et un peu de rouge à lèvres, elle est magnifique. Du phare breton. Alors, dites-moi, quelle est la question, monsieur Daudet. Alors, Alphonse Daudet, certes, a écrit les lettres de Montmoulin. Personne ne le savait ici. Oh ah, la mauvaise foi. Quel mytho. Parmi lesquels, le secret de Maître Cornille, par exemple, évidemment. Oui, le curé de Cucu. Rappelle-nous de quoi que ça coûte. Mais il a écrit aussi Alphonse Daudet, évidemment Tartarin de Tarascon, voilà, l'Arlésienne. Eh oui. Mais il a aussi écrit un roman autobiographique, l'histoire d'un enfant sensible, pauvre, qui ne parviendra jamais à devenir tout à fait un homme. Stevie. Non. Comment s'appelle ce célèbre Le roman petit chose. Le Petit Chose. Excellente réponse Bravo. D'Isabelle Mergaux. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oscaro.com vous propose un kit de vidange adapté à votre véhicule. C'est vraiment simple et très économique. Je me lance. Et en ce moment, en commandant de l'huile Castrol sur Oscaro.com, vous pouvez gagner un week-end VIP pour 2 personnes au Rallye de Grande-Bretagne avec hébergement en hôtel 4 étoiles. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Ça va être une super rentrée chez U. Et pourquoi ça ? Bah parce qu'il y a plein de gratuits au programme. Tout auditeur que vous avez eu depuis 20 ans de radio. Bah si ça fait 25 40. Ans que je fais ce 40 métier. Ans. Non, 25. Non, c'est l'autre fouine là-bas qui a dit ça. Ça fait 25 ans que je fais ce métier d'animateur. 25 et ans. Et oui, ça m'émeut. Alors oui. Comment s'appelait le premier auditeur ? Ça m'émeut d'imaginer que certains auditeurs me soient fidèles depuis tant d'années. Oui, ça m'émeut. À mon avis, surtout ceux de Grenoble. De l'Isère. Oui, car oui, Madame Mergaux, car sans nos auditeurs, nous ne serions rien. Oui, je comprends bien. Christelle. On peut être content sans être ému et tremblant. Christelle. Moi, je suis ému, moi. Christelle, vous êtes donc. Qu'est-ce qu'elle fait déjà ? Meunière. Meunière. Sortir. Vous savez qu'il y a le contrôle antidopage après l'émission. Hein. Vous allez pisser dans les prouvettes, hein, les filles. Christelle, les verres vont fondre. Christelle, seule. Vous allez oui. pouvoir partir, seule et en famille. Toute la famille seule va pouvoir partir. Deux adultes, deux enfants. Avez-vous des enfants ? Ne cassez rien, madame. Oui, mais ils sont grands. J'ai deux adultes qui ont 30 et 27 ans. Mais non, mais vous avez une voix super jeune. J'ai eu très tôt. J'ai mis la charrue avant les bœufs, comme on dit dans notre région. Ah, mais non, ça doit faire mal. Hein. Mais parce que je me permets de donner votre âge, vous n'avez que 48 ans, donc je pensais que vous aviez des enfants très jeunes. Et des enfants et de non, 30 ans. Non, et je vais me. Voilà. Elle en a un de 49. Oh, dites-moi la coquine, mais vous avez fait exprès là ou c'est arrivé comme ça le pro- premier, non, c'était Désiré. Ah, non, ouais. Mais... Et le prénom du deuxième? Le deuxième s'appelle Ta gueule. Une semaine de vacances en famille, deux adultes, deux enfants. Vous emmènerez. Oui, bon, quatre adultes. Des petits enfants, peut-être. Vous avez des petits enfants. Vous pouvez peut-être. Non, pas. Trois petites filles, en effet. Ah ouais. Mais grand-mère, vous emmènerez votre meunier, hein, en vacances. Ah mais avec plaisir. Oui. C'est toujours le même. Mais il faut répondre à la question. Eh oui, c'est un village Cap France, village de vacances Cap France. Il y en a une centaine en France, des villages à la mer, à la campagne ou à la montagne, dans toutes nos plus belles régions. Allez voir sur le site internet Cap France-vacances.com pour plus de renseignements. Christelle, voici la question. Peut-être avez-vous entendu le Premier ministre Manuel Valls hier rappeler que notre Marianne était habituellement représentée seins nus et les cheveux au vent pour symbole de liberté. Alors pas toujours, hein, parce que Marianne, quand on regarde son buste, parfois on ne lui voit pas les seins, ça dépend évidemment. Bah, si c'est Bardot qui pose maintenant, on les voit plus. Là. Non, bah, sinon il faut faire au niveau des genoux la statue. Si c'est Sophie Marceau, elle montre un sein régulièrement quand elle montre les marches à Cannes. Mais attention, ma question va concerner évidemment la Marianne. Et vous, Isabelle, vous avez été approchée aussi pour... Pour Rocky 5. Non, mais je suis très sérieux. Pour le bonnet frisien. Allez, posez une question. Non, mais tu ferais pour une belle Marianne. Pour doubler Stallone. Franchement, je suis désolé, vous êtes gaulé. Vous pourriez absolument faire une belle Marianne. Ouais, c'est les féministes, on le sait. Féministe. C'est sympa, tu sais, un truc animé. Quand on passe devant, tu postillonnes. Vive la France! Tu sais, comme dans les toilettes, quand tu rentres, ça fait un petit pchit comme ça. J'aime du pas sang ça, bon. Alors. Eh ben, elle fait pareil. Moi, ça me fait pisser à côté, ça me surprend. On a peur de se prendre dans l'œil. Ça me surprend. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, je vais vous dire, suite de mon voyage au Japon, puisqu'hier... Ah oui. Les toilettes japonaises. Oh, c'est incroyable. Puisqu'hier, quand même, je dois le dire, je vous ai raconté une partie de mon voyage. C'est vrai que pour la première fois, j'ai enfin testé, puisque partout où vous allez au Japon, ces fameuses toilettes existent. Et je dois dire que je me demande si je vais pas installer ça chez moi, parce que c'est pas mal du tout. Ah, qui vous lave les fesses en même temps? Moi, j'ai essayé ça dans un hôtel aussi. Il y a quelques hôtels en France. Quand ça vous chauffe le derrière, là, pour sécher, c'est drôle. C'est incroyable. Ah, ça sèche le derrière. Ah, oui, ça sèche. Mais vous avez, alors, sinon, c'est mouillé. Vous avez à peu près 6 boutons sur les côtés. Il y a tout. C'est dingue. Séchage, mouillage, masturbation. Non. Moi, j'ai fait ça, puis je me suis aperçu que j'étais dans la baignoire. Je veux simplement vous dire que je préférais votre anecdote. Que vous avez fait pleurer la geisha. Oui, hier, j'ai fait pleurer la geisha. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un code? Après, il a fait pleurer le colosse. Il fait pleurer tout le monde. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Mais il faudrait expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous restez assis sur la cuvette, vous appuyez sur un bouton. Vous avez plusieurs... Mais il change l'eau, c'est pas l'eau où vous avez... C'est en circuit fermé. Non, mais c'est pas l'eau du fond de la cuvette, c'est d'autres arrivées d'eau. C'est de l'eau. Expliquez. C'est de l'eau propre qui arrive. C'est bien ça. Et alors, en plus, ce qui est génial, c'est que vous pouvez orienter l'objet. Choisir l'intensité. C'est sûr. Et choisir. Parce que si ça te mouille la nuque. Non, tu choisis l'intensité si jamais t'en veux. Exactement, fort, moins fort, plus fort. Ensuite, vous appuyez sur le bouton séchage, effectivement. C'est dingue ce truc. Ça, c'est bien parce que moi, je. On peut s'enrhumer du derrière. Moi, je me sèche avec l'essuie-main, mais c'est pas pratique. Non, le problème, c'est que pour Bernard, vu la surface, il lui restait un quart d'heure aux toilettes. Ah ben moi, j'appuie sur le jet, la Clément. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. 118-712.fr, annuaire de référence pour trouver un coiffeur. 118-712.fr. Géant. La rentrée à prix bas, c'est Géant. 10 sur 10 sur les économies. Et mention très bien sur les prix bas chez Géant. Jusqu'à mercredi, recevez un bon d'achat de 5 euros à partir de 50 euros d'achat dans tout le magasin. Oui, 5 euros en bon d'achat à partir de 50 euros d'achat, c'est Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable dans tous les magasins du 1er au 11 septembre. À la rentrée avec Carré Blanc, osez la couleur. Pour les petits et les grands, parures de lit, serviettes colorées, peignoirs, couettes douillettes et oreillers, rééquipez votre intérieur à prix tout doux avec Carré Blanc. Osez la couleur. Profitez de la qualité Carré Blanc jusqu'à moins 30%. Conditions de l'offre en magasin valable jusqu'au 20 septembre. Liste des boutiques sur carréblanc.com. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins. Pour 1 euro, ils vous offrent un café. Une sportive, non. Une femme politique. Une femme politique, non. Elle va venir en France faire quelque chose ? Ce n'est pas possible. On la connaît sous un autre nom parce que elle joue un personnage. Du tout. Ou elle a un surnom. Elle a un surnom, ce n'est pas le mot, mais elle avait choisi un autre nom. C'est pas la gonzesse qui est tombée de l'arbre de 12 mètres ? Oh non. Ça, c'est Lucie, Bernard. Bon. C'est Lucie. Alors, franchement, quand vous allez savoir qui c'est, franchement, vous aurez honte d'avoir dit la elle gonzesse. Elle est chérie. Oh, joli. C'est pas le mot, non. Et elle va être canonisée. C'est une sainte. C'est une femme qui va être canonisée, donc elle a fait le bien, elle a soigné les pauvres. Elle va même devenir sainte. C'est Emmanuel, sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, non. Mère Teresa. Mère Teresa. Bonne réponse de Titoff. Eh oui. Bernard regrette déjà d'avoir dit. La gonzesse. Grave, c'était une gonzesse néanmoins. Le pape François va procéder à la canonisation de Mère Teresa, qui fut quand même, rappelons-le, prix Nobel de la paix en 1979. Elle a consacré sa vie à aider les pauvres et les malades. Elle a dû bien se faire chier quand même. C'est une femme remarquable. À Calcutta, en Inde. Oh, elle était d'origine albanaise et elle s'appelait pas Teresa. C'est les sœurs choisissent un nouveau prénom quand elles deviennent sœurs. Elle s'appelait Robert. Non. Non, elle s'appelait Agnès. Non, on parle d'une sainte, là, Bernard. Mais pourquoi elle n'a pas gardé son prénom d'Agnès ? Parce que ça fait agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché. Je suis sûr que vous avez imaginé un jour entrer dans les ordres, Isabelle, non ? Ouais. Ah, j'étais sûr. Ah oui, dans le désordre, plutôt. Racontez-nous à quel moment de votre vie ? Eh bien, quand j'ai fait ma retraite. Ouais, quand j'avais on a 12 ans avant de faire la communion. Moi je me suis évanouie d'émotion. Oui, mais c'est moi qui suis intéressée. Ah, les jalousies. La jalousie. Le combat de coq. Alors, je viendrai à vous après, cher Ariel, si vous le souhaitez. Car j'imagine que vous aussi, vous avez dû rêver. Transfigurer. Rêver Ariel, d'être en cornette. Ah oui, d'accord. Vu son voyage avec les poulpes, elle était encore née. T'avais choisi un nom de sœur, déjà, non ? Non, mais franchement, je me disais, voilà, je vais aider mon prochain, je vais rentrer dans les ordres, je vais... Sœur Isabelle. Non, et puis j'ai fait ma grâce matinée. Ma première communion, ça n'a rien à voir avec grâce matinée. Hein. Bon, bref. C'est intéressant. Et si ça t'intéresse pas, du coup, on retourne chez tes voisins. Ça fait ta communion avec la vie décorée. Elle est aimable, on sent qu'elle aurait pu être religieuse. Hein. L'amour du prochain, c'est ce qui te caractérise le plus. Alors, Ariel, à votre tour. Ouais. J'ai été pétrie, j'ai été élevée. Ça, c'est une autre histoire. Non. J'ai été sculptée. Elle était pétrie des catholicisme. Elle nous parle de son week-end en Thalasso. C'est ça. Oui, pardon, on ne veut pas savoir votre premier film érotique. Non. J'ai été donc dans ce pays qui a le plus joli des catholicismes, qui est le Mexique, donc, et je suis restée extrêmement catholique. Soy una niña católica. Et pour moi, la Virgen de Guadalupe, évidemment, le catholicisme au Mexique m'a sauvée. Mm-hmm. Et en effet. Alors, elle est pas chiante. Mais quand j'ai fait. Moi, je suis chiante, elle, ça dure 3 heures. Mais c'est pas de la catholica. Non, yo soy la catholica. Ay, ay, ay, votre Mais on me dit toujours, mais est-ce que vous êtes catholique ? Eh bien oui, je suis très catholique. La question, c'était quand est-ce que vous avez voulu être bonne sœur ? Mais à un point tel que j'en ai fait un film, cher Laurent. C'est pas vrai. Et grand film qui s'appelait Les Pyramides Bleues. Ah, j'ai vu ! Voilà, j'étais la... Avec Omar Sharif. Voilà, avec Omar Sharif. Oui, je l'ai pas vu non plus. Voilà, et ben voilà. Et donc, j'étais là, je voulais devenir sœur Élise. Car Ariel a réalisé, vous faites le même métier, Isabelle et Ariel. Oui. Toutes les deux, vous êtes... Pas le même genre de film. Réalisatrice. Oui, c'est vrai, c'est assez rare. Et c'est vrai que... Et on en est fiers. Et vous, Isabelle, c'était dans quel couvent que vous avez voulu rentrer ? Là, chez moi. On attend la vanne. Le père, là, chez moi. Je sais pas quel Carmel c'était, mais vous l'avez gardé dans la bouche. Il est content. Il est content, faut le laisser rire. C'est lui le patron. Donc il a raison, forcément. Et donc, à trois, je m'exclame. Mais non, mais vous nous dites rien, vous comprenez? Parce non, que mais... je suis coupée par une bavarde ou un con, alors. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. MMA Business Entreprise, exclusif. En cas d'intempérie, MMA assure les aménagements extérieurs de votre commerce et peut indemniser les frais de réparation. MMA. Dans les conditions et limites du contrat. Cuisinière exigeante, cherche le sac pratique et tendance pour faire ses emplettes avec style. Justement, chez Grand Frais, le mercredi 31 août, un sac shopping d'une valeur de 1,99€ vous est offert. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Remis lors de votre passage en caisse le mercredi 31 août, limité à un sac par foyer. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 Allure. La berline compacte par excellence avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement. Une œuvre majeure à un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 Allure suréquipée est à partir de 249€ par mois. Avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Et non, pas d'auréole pour les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL avec Titoff, Isabelle Mergaux, Ariel Dombal, Bernard Mabie, Christophe Beaugrand et Jean-Baptiste Chelmerdine. Une question pour Monsieur Pierre Gaillard qui habite Montbonneau, c'est dans l'Isère. Donc, L'Isère. Non. Tout près de Grenoble. Ah, t'es trop bon. Arrête, Bernard, arrêtez, vous me faites trop rire. Mais non, mais c'est la vérité, vous le dites. Bernard m'a dit bientôt au théâtre Antoine. Oui. Avec quoi, dans quoi, avec qui? Bah tout seul, dans son costume. On a trouvé personne pour jouer avec lui. Il n'y avait plus la place sur scène. Je vais commenter les présidentielles un lundi par mois. Un lundi Antoine. Par mois, il va suivre l'élection présidentielle. Ah, là, il y a quoi faire, tu m'étonnes. La question pour Monsieur Gaillard de Montbonneau. Merci pour cette pub, Laurent. Mais je vous en prie. Là, c'est son théâtre. Faut dire c'est mon théâtre, oui. C'est ça, parce que sinon, fallait pas le dire. Il l'aurait pas fait. On l'a pris jour de relâche. Tiens, en novembre, je passe à Grenoble. Quel sera le vrai spectacle programmé? Oh, mais vous êtes des salauds, quand même. C'est notre ami Chantal Latsou, dans Peau de vache. Peau de vache, eh bien, tiens. Oui. Il y a la peau de vache la semaine et il y a la vache le lundi. Bernard, on viendra en masse vous écouter. En masse. Exactement. Je crois que c'est une ça patrie. Fera ton sur ton. Monsieur Gaillard de Montbonneau dans l'Isère. Mais non, en plus on a un monsieur qui attend au téléphone. Ah, non, excusez-nous monsieur au téléphone. C'est monsieur Claude Carrière que vous connaissez sûrement. Eh bien, Claude Carrière a préfacé un livre qui vient d'être publié aux éditions Slatkin et compagnie. Un livre qui paraît chez nous en France 43 ans après sa parution aux États-Unis. Et il s'agit de mémoires. Ah. Les mémoires de quelqu'un qui sont enfin traduites, car on ne doit pas dire traduites, on dit les mémoires ont été traduites. Ah oui, c'est masculin. Eh oui, masculin au pluriel. Il s'agit de mémoires d'une chanteuse. D'une chanteuse, non. Est-ce que c'est une femme? D'une actrice. Alors, d'une femme, non. J'ai une question. Elles sont bien sorties aux États-Unis il y a 43 ans. Exact. Donc en 73. Exact. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était encore très connu en 73. Quelqu'un qui est mort. Qui est mort précipitamment. John Lennon. Quelqu'un qui est mort en 74, un an après la publication de ses mémoires. D'accord. Bukowski. C'est Charles Bukowski. Donc c'est pas une femme, c'est un homme, donc a priori. C'est un homme. Un homme politique? Un homme politique, non. Un écrivain? Un écrivain, non. Un chanteur? Elvis Presley? Un chanteur, non. Non. Un artiste? Un artiste, grand artiste, oui. Ah oui, Basquiat. Non, un peintre. Un immense artiste. Gary Cooper. Charlie Chaplin. Est-ce que c'est un artiste qui s'est illustré à Broadway, par exemple? Est-ce que c'est un acteur? À Broadway, pas spécialement à Broadway, mais à New York, c'est sûr. Est-ce que c'est un acteur? Un acteur, non. Un chanteur? Un chanteur, non plus. Avec des musicals, genre un peu comique ou un peu... Comique, non. Un mec de musical. Un danseur. Genre Fred Astaire, etc. Musical, ce n'est pas tout à fait le mot, mais le mot musique est important. Un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. Bernstein. Oui. Ah bon. Rachmaninoff. Rachmaninoff. Tchaïkovski. Non. Est-ce qu'il écrivait de la musique aussi? Il était aussi compositeur, Cole évidemment. Porter. Cole Porter. Non, mais on se rapproche. Alors. Ah. Nat King Cole. Nat King Cole, non. Non, c'était pas chanteur. Nat King Cole était chanteur. Ah, pardon, Cole excusez-moi. Porter. Alors, excusez-moi. Et l'autre, Gershwin. Gershwin, sinon je parle pas Gershwin. Gershwin. Vous êtes perdre un lundi. Gershwin. Gershwin, non. Alors, Cole Porter, Gershwin. Il a écrit des chansons. Duke Ellington. Duke Ellington. Bonne réponse de l'excellent Bernard Mabille. Il était musicien, il était trompettiste. Mais il n'a jamais été chef d'orchestre. Mais si, bien sûr que si. Mais bien sûr qu'il était chef d'orchestre de jazz. Évidemment, il avait créé un orchestre, l'orchestre de Duke Ellington. Bon, j'ai regardé mon. Il n'était pas avec une baguette. Ah, mais un chef d'orchestre n'est pas toujours un chef d'orchestre avec une baguette. Un chef d'orchestre peut être tout simplement. Il y a aussi avec des couverts. Moi, mon boulanger, une baguette, il n'est pas chef d'orchestre. Claude Carrière, dites à Titoff qui vient de dire une belle connerie. Non. N'est-ce pas, monsieur Carrière? Bonjour. Bonjour, monsieur Carrière. Bravo. Duke Ellington était pianiste, il conduisait son orchestre depuis son piano. Voilà. Mais il n'était pas chef d'orchestre avec une baguette. Mais il était quand même chef d'orchestre. Oui, on dit plutôt producteur en fait. Alors. Mais non, on dit chef d'orchestre. Non, en fait, il menait. Vous avez raison. Laissez parler Claude Carrière. Oui. Alors, monsieur Carrière, vous êtes donc fan, j'imagine, de Duke Ellington, pour qu'on vous ait choisi afin d'écrire cette préface pour la parution en France, enfin, donc 43 ans après la parution aux États-Unis. C'est bien ça? Ben oui. C'est un bouquin qui était sorti là-bas en 73, oui. Et elle est passionnante, la vie de Duke Ellington. Et on s'est aperçu que ce bouquin était passionnant, mais il faisait peur. Il était long à traduire, long à lire. Et 589 pages. Oui, les distributeurs, les éditeurs avaient un petit peu les jetons de sortir un pavé comme ça, puis on s'est aperçu, après l'avoir soigneusement traduit, et là ils ont fait un boulot formidable, en particulier Christian Bonnet, on s'aperçoit que c'est un bouquin passionnant. Il est né à Washington en 1899, et effectivement il fut un des premiers à créer son propre orchestre de jazz, c'est en ça qu'on a dit qu'il était chef d'orchestre, évidemment. Son big band. Son orchestre en 1923, et son orchestre a duré jusqu'en 1974, sans jamais aucune interruption. Et il y a des musiciens chez lui qui sont restés 47 ans. C'est le plus grand compositeur, si on peut employer ce terme, dans le domaine du jazz. Il est venu souvent à Paris, Duke Ellington? Il est venu à partir de 60, il est venu presque tous les ans. Oui. Il est venu plus de 20 fois, paraît-il, effectivement. Je l'ai vu une vingtaine de fois. Oui. Vous-même, vous l'avez rencontré? Oui, j'ai rencontré, je connaissais très bien quelques-uns de ces musiciens, j'étais extrêmement passionné. Claude Carrière, j'ai ici évidemment des chanteurs et des artistes merveilleux. Bien sûr. On aimerait chanter une petite chose de Duke, mais Mood Indigo. Allez-y alors. You ain't been blue, no. C'est pas la plus connue. Hein. Ah bah si. Non. Et la petite Ara, la plus connue, c'est... On la reconnaît pas. Oui. La plus connue, c'est Scooby-Dooby-Doo. Music is my mistress. La musique est ma maîtresse. C'est le sous-titre de ses mémoires signés Duke Ellington qui paraissent enfin en France, préfacé par Claude Carrière. Merci, monsieur Carrière. Merci. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Vite, chérie, fais de la place dans le chariot. Ah, c'est l'opération gros volume chez Netto. Oui, jusqu'au 4 septembre, il y a 50% de remise immédiate sur le lot de 2 bidons de lessive liquide régulier Ariel Simply. Netto, le discounter qui fait la différence. 6,92€ le lot de 2 fois 2 litres 145, soit 4,29 litres, soit 1,61€ le litre au lieu de 3,23€. RTL présente le Vampitour. La tournée événement des stars de ta série préférée Chica Vampiro est de retour. Retrouve Daisy, Max, Marilyn et Mirko au Zénith de Paris le 2 novembre et en tournée dans toute la France du 19 octobre au 6 novembre. Réserve vite tes billets dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Top question. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Noir. Ah oui, quand même, Bernard. Évidemment, c'est faux. Le seul véritable moyen de gagner à tous les coups, c'est de commander et faire monter ses pneus sur allopneus.com. Chez allopneus.com, nous avons en permanence plus de 600 000 pneus en stock, et forcément le vôtre. Jusqu'au 20 septembre seulement, achetez des pneus Bridgestone et recevez un bon d'achat jusqu'à 50 euros chez showroomprivé.com. Vive la rentrée avec Bridgestone. Conditions sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. Les 17h38, l'heure de la bourse en direct sur RTL avec Les Échos et Investir. Bonsoir Sylvie Aubert. Bonsoir Virginie. La bourse retrouve sa bonne humeur. Eh oui, et le CAC a hissé le drapeau vert aujourd'hui, depuis ce matin, sans départir, malgré le fait que Wall Street soit dans le rouge en ce moment. Le marché américain a d'abord ouvert dans l'équilibre et puis ensuite il s'est enfoncé en territoire négatif. C'est la baisse du baril de pétrole qui pèse sur la tendance à New York. Mais nous, on est resté en hausse, plus 1%, 4469. Les investisseurs commencent à se faire à l'idée que les taux d'intérêt vont être relevés aux États-Unis d'ici à la fin de l'année. Les dernières statistiques économiques américaines vont dans ce sens. Par exemple, on a appris tout à l'heure que la confiance des consommateurs avait atteint en août son meilleur niveau depuis 11 mois. Et le contraste reste donc très frappant avec la conjoncture en Europe. L'enquête de confiance auprès des entrepreneurs dans la zone euro montre une nette baisse au mois d'août, alors que le moral des ménages européens, lui, est resté morose. Alors sur le front des valeurs à Paris, LafargeHolcim se distingue. Le titre progresse de 3,6% grâce au conseil d'achat qui a été donné ce matin par HSBC. On remarque aussi une nouvelle poussée d'Areva qui n'arrête pas de monter depuis quelques temps déjà. Elle grimpe encore de 11% aujourd'hui et Tarkett gagne 5%. On se retrouve demain, Virginie. Bonne soirée. Premier jury à demain, Sylvie. Allez, les grosses têtes et Laurent Ruquier nous attendent. Une dernière citation pour Monsieur Jean-Robert Gelloen. Quand je dis une dernière, il y en aura peut-être deux ou trois. Tout dépend évidemment de la rapidité avec laquelle vous allez répondre à cette question. Comme 300... nous allons être excellents, il y aura plusieurs citations. 300 euros si vous ne répondez pas en tout cas à cette question. Qui a dit « Il faut que le hasard renverse la tortue pour qu'elle voie passer le Concorde ». Oula, alors là je comprends rien. Que le hasard. Il faut que le hasard mal traduit, renverse la tortue pour voir passer le Concorde. Ça n'a pas pu être écrit en français, ce truc-là. Si, c'est en français. Ah bon ? Est-ce que ça marche avec tous les animaux ? Ça marche avec un chien ? Non. Oui, mais non. Si, le coup de la tortue, c'est plus difficile. Un chien peut lever la tête, ouais, pas une tortue. Un chien qui a un torticolis. Il faut que le hasard renverse la tortue pour qu'elle voie passer le Concorde. Bon, est-ce que c'est quelqu'un d'un peu philosophe qui a écrit ça ? Écoutez, ça ne lui ressemble pas tant que ça, cette citation. Parce que c'est pas un mec très proche. Ce n'est pas Coluche, quand même. C'est pas Coluche, c'est pas des proches. C'est quelqu'un de rigolo, alors. Il était bourré ? C'est quelqu'un de rigolo. Ah, Gainsbourg, non. Antoine Blondin. Non, mais c'est quelqu'un qui a dit aussi, il est absurde d'offrir un whisky à une girafe sans ajouter dans le verre une très longue paille. Ça c'est mignon. Il adore tout ce qui est alcool. Il aimait l'absurde quand même. Ah ouais. Et les animaux. Ah oui. Faisait-il de la radio ? Alors ça lui est arrivé, mais pas longtemps. Les grosses têtes, il a déjà fait ? Oh, il a dû faire une fois ou deux les grosses têtes, mais généralement on le gardait jamais très longtemps. Carmet. Christine Bravo. Il est mort ? Il est mort, hélas. Dutronc ? Dutronc, non. Il est toujours vivant, Dutronc. On le virait parce qu'il buvait, il n'était pas à l'heure, il était... Bon, il était incontrôlable. Ça veut rien dire. Il était assez incontrôlable. Et il était connu Mourouzi ? Pour... Mourouzi, non. Roland Topor. Ah, Jean-Hervé Bernalier ? Alors, Topor, non, mais on se rapproche. Jean-Hervé Bernalier, c'est pas une mauvaise idée. Il faut que le hasard renverse la tortue pour qu'elle voie passer le Concorde. Donc, Topor, il était dans l'émission Merci Bernard. Ah, je crois que Jean-Michel Rive a dû le faire un peu travailler dans Merci Bernard de temps en temps. Un acteur, Fernando Arrabal. Du tout. Vous l'avez connu, vous, Laurent ? Ah oui, s'il suffit de dire n'importe quoi. Fernando Arrabal. Ah oui, je sais, Rodrigo Ramirez. Non, mais Ramirez. Je vous ferai remarquer. Rodrigo Ramirez. Je vous ferai remarquer que Topor, Fernando Arrabal et le Seigneur Jodorowsky ont créé le mouvement Panique. Oui. Ce ne serait pas José Serrano. Ils n'ont pas le mouvement Panique à la téloche. Ils n'ont pas créé le mouvement Panique. C'est un mouvement littéraire. Ce ne serait pas Fernando Carpaccio. Qui travaillait avec Mozzarella. Voilà. Non mais écoutez, vous êtes un culte. Je vais défendre mon Ariel parce que oui. Fernando Arrabal, c'est quand même un grand artiste. Est-ce que le nom de cette personnalité qu'on recherche a une consonance étrangère ? Non, je pense qu'on est plutôt sur Pizzaiolo Traformaggio. Non, alors il a pas du tout une consonance étrangère. Non, c'est quelqu'un de très très français pour le coup. Il dessinait aussi. Jean Carmet. Alors est-ce qu'il a dessiné ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il était comédien également ? Acteur à sa façon. Mais à la base, c'était quoi, un auteur de théâtre ? Le professeur Choron. Le professeur Choron. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oh bah oui. Elle professeur Choron. La dernière. Une question plus culturelle. Une citation pour Marie-Pascale Perron qui habite Talence. Normalement, si vous avez de la mémoire, vous saurez évidemment qui a dit cette phrase que tout le monde connaît. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Qui veut tuer son chien. Non. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Ça doit être un vieux truc, ça, de l'époque de Montaigne. Non. C'est 19e siècle. Rabelais, non. 19e ? Non. 18e ? Non. C'est pas le 20e, quand même. 20e, non. 17e ? Ménilmontant. 17e, oui. Oui, 17e. Là, je suis bon, 17e. Alors, Batignolles. Ah, j'étais... Marivaux. Ah non, j'étais persuadé que vous alliez me répondre tout de suite, alors. Molière. Molière, bonne réponse de Titoff. Bravo. Oh le rouleur, oh le rouleur. Attends, pour une fois qu'il trouve, il y a un peu C'est dans les femmes savantes. Dans les femmes savantes. J'hésitais avec Felino et Carpaccio. On trouve ce vers. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage dans les femmes savantes. Bravo Titoff. Dans un instant, l'invité mystère. Les grosses têtes sur RTL. 118-712.fr, annuaire de référence pour trouver un garagiste. 118-712.fr. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à deux fois moins cher. Je me lance. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. Je suis à Salon de Provence dans le magasin de Ghislain Pérez. Alors, cette rentrée? Une rentrée sous le signe de la nouveauté. Avec ce matelas latex à 699€ seulement. Un système d'aération optimal et 23 cm d'épaisseur pour plus de confort. Le meilleur du latex à prix exceptionnel, c'est jusqu'au 18 septembre. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Et le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Chers parents, soyez attentifs. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Des prix hallucinants sur une sélection de produits du petit déjeuner et du goûter. Vous allez être premier de la classe en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 29 août au 11 septembre, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Sur RTL, on est tous prêts à jouer avec les grosses têtes. C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Un moment toujours très attendu, évidemment, une voix déformée, celle de notre invité qui patiente en loge. Bienvenue aux grosses têtes. Bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Voilà une c'est dame. Une femme. On sent de la douceur, de la douceur. Peut-être qu'on va déformer un peu plus sa voix, d'ailleurs. On doit vous appeler madame, non? Souvent. Ah, souvent. A priori, vous êtes une femme. Peut-être mademoiselle, de temps en temps aussi. Oui, ça me vexe. Est-ce que... Et monsieur, parfois? Non, vous êtes toute jeune, vous êtes toute jeune. Oui, assez, oui. Est-ce qu'on rappelle, cher Bernard, qu'on ne pose pas de questions sur t'es l'âge? Pénible, hein, t'es pénible, hein. Mais je pourrais mentir. Non, mais on ne dit rien. J'ai pas lundi en moi au Théâtre Antoine. Ça en fait deux depuis le début de l'émission, là. Hein, en fait, il a joué une fois, quoi. Dites-moi, est-ce que vous avez les cheveux longs, invité? J'ai même pas besoin d'écrire. Les cheveux plutôt longs. Est-ce que vous avez des cheveux bruns? Oui. Est-ce que vous êtes sensible à l'humour de Monsieur Mabille? Énormément. Ah, oui, on va vous en prie, énormément. Vous êtes donc quelqu'un de bien. Oui, oui, Monsieur Mabille. Invité mystère, est-ce que vous avez déjà enfanté? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt une femme très féminine? Non. Est-ce que vous êtes rendu compte que je ne vous ai pas encore posé de questions? Bien sûr. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Parfois. Ah est-ce bon que... Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur les planches? Oui. Est-ce que vous prenez toujours le métro? Oui. Est-ce que vous faites rire? Mais si c'est pour poser des questions n'importe quoi comme ça, il faut construire un peu l'interview. C'est pas n'importe quoi. Voici un premier indice. Ah oui, indice. Fabian a été importante dans votre parcours, invité mystère. C'est une belle rencontre. Une belle rencontre. Ah, je sais pourquoi. Christophe Beaugrand propose Nolwenn Leroy. Êtes-vous Nolwenn Leroy? Non. Vous me demandez si j'étais féminine. Elle est hyper féminine. Oui, c'est vrai. Nolwenn est hyper féminine, mais elle a chanté une chanson de Lara Fabian sur son premier album. Alors, dites-moi, invité mystère, est-ce que vous faites rire dans votre métier? Oui. Moi, je n'ose plus poser de questions parce que j'ai peur de perdre des lundis. Excusez-moi, mais... Oui, quand même, il y a une petite retraite, c'est difficile, il faut bien vivre. Vous jouez à Grenoble. Ah, ben là, oui, c'est sûr. Bon, alors, invité, est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Parfois. En tant qu'invité, vous n'y avez jamais travaillé? Non, pas très longtemps. Si, indirectement, on va dire. Oui. Est-ce que Lara Fabian vous a aidé dans votre métier? Un pied à l'étrier, on peut dire. Vous faites du cheval? Oui, je suis cavalier. Et alors, dites-moi. Alors, est-ce que vous avez fait une première partie? Et alors, hier. Mais il va en faire un avant Noël ou pas? C'est pas gagné. Hein. Vous viendrez le 29 février, Bernard. Mais laissez-moi poser une question. Je m'en rappelle plus. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Invité mystère, est-ce que lorsque vous êtes sur scène, car on a bien compris que vous étiez sur scène, vous êtes seul? Oui. D'accord. Voici un deuxième indice. Mon pays est au fond d'une prise de trèbre, qui n'a ouverture sonne, qui le marche au crève. Mon pays est pour tout, un sol privé d'être, sans papier ni honneur, sans où star ou sans terre. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité? Pas du tout, non. C'est pourtant une langue que vous devriez très bien connaître. C'est le portugais? Pas du tout. Non. Je vous expliquerai tout à l'heure. C'est une langue régionale, c'est du yaourt. C'est rien du tout. C'est une langue régionale. C'est Mamie Nova dans la loge. Est-ce que vous êtes né en France? Non. Non. Jean-Baptiste Chelmerdine est le premier à avoir identifié notre invité mystère. Bravo, bravo Jean-Baptiste. Ça va être le second. Alors, invité mystère, est-ce que vous chantez aussi? Oui, ça m'arrive. Mais vous chantez dans vos spectacles, vous n'avez jamais sorti d'album? Non, pas d'album. Titoff, pensez à Véronique Dicker, l'imitatrice. Êtes-vous Véronique Dicker? Non, si vous le dites. Moi, je vous ai écrit un truc. Belle brune, Véronique Dicker. Bernard Mabille, pensez à Christine, c'est Christelle. Christelle, Chollet. J'ai mis Christelle. Non, vous avez mis Christine. Ah, vous voyez, Christine Chollet. C'est... Un lundi en moins. Je rappelle que c'est un spectacle RTL. Mais ce n'est pas Christelle Chollet. Non, non pas. Voici un autre indice. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec un film. Voilà pour l'instant. Oui, je déprime les gens quand je suis sur scène. Vous êtes sûr que vous amusez les gens, là, Titoff a identifié notre invité mystère. Oui, quand même. Bernard, vous n'avez pas le bon prénom, une fois de plus. Mais j'ai le bon nom. Vous avez le bon nom, mais pas le bon prénom. Bah, attendez, il faudra que tout ça se remette en place. Un demi-lundi. Est-ce que vous... Mais Véronique, elle s'appelle pas Véronique. Mais non, je sais bien. Est-ce que vous êtes un peu folle? Oui. Non, je vois très bien qui c'est. Trois invités, trois grosses têtes ont identifié notre invité mystère. Seul Christophe Beaugrand, Ariel Dombal et Isabelle Mergo continuent à chercher. Ariel. Je crois que j'ai trouvé. Alors, à mon avis, vous êtes belge. Pardon? Êtes-vous wallonne ou flamande? Ah oui, oui. Christophe Beaugrand vous a reconnu aussi. Seul les deux grosses têtes. Ah, ça y est, je crois que je l'ai reconnu. Ah, les deux grosses têtes féminines ont identifié l'invité mystère. Ah, bravo Ariel. Bravo. On lui laisse Ariel. Oui, ah, alors c'est quelqu'un de charmant. Oui. Allez-y Ariel. Et de gracieux comme tout, eh bien il s'agit d'Axel Red. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais... Vraiment. Comme ça marche plus quand Laurent le fait. Il y a qu'elle encore qui n'a pas compris le truc. Hein. Alors je me tourne vers les quatre grosses têtes masculines du jour qui ont identifié Virginie Hoc. Virginie Hoc. Les Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, on me dit que vous avez un scoop. Absolument, moins 15% sur la multirisque pro chez MMA. Ça concerne beaucoup de professionnels, ça ? Les artisans et commerçants. Avec l'assurance multirisque pro MMA, ils bénéficient d'un contrat unique pour tous leurs besoins. Et jusqu'au 29 octobre 2016, MMA peut leur offrir moins 15% sur leur première année de cotisation. Bon ben, envoyez la pub. MMA. Offre soumise à condition, contactez votre agent MMA. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bonjour, c'est Elisabeth Martichoux. En mai prochain, nous élirons le futur président de la République. Pour éclairer votre choix dans une compétition qui s'annonce hors norme, je recevrai chaque matin un invité politique à 7h45 sur RTL. Dans une société française sous tension, nous prendrons le temps de poser toutes les questions pour obtenir toutes les réponses que vous attendez. Rendez-vous dès demain matin avec Yves Calvi sur RTL à 7h45. L'invité mystère de cet après-midi est en train de rejoindre Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans le grand studio de RTL, ce qui me laisse juste le temps de vous dire qu'à 18h sur RTL, place à l'information avec RTL Soir présenté par Marc-Olivier Fogiel, qui reviendra sur la démission du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, et il recevra entre autres Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Virginie Hoc était bien notre invité mystère. Elle sera au Bouffe Parisien, 20h30 jusqu'au 18 septembre, à partir du 2 septembre prochain. C'est pas longtemps, dites donc alors. C'est pas longtemps, mais ce sont les toutes dernières dates à Paris. Après, c'est. Non, c'est attendez, j'ai 4 lundis au Théâtre Antoine. Et c'est plus en plus disponible. C'est toujours Isabelle Nanty qui met en scène, oui. Virginie Hoc en solo sur scène. Bravo à Jean-Baptiste Chelmerdine. Merci. D'avoir été le premier à l'identifier. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous a fait trouver ? En fait, la chanson, on a dit que c'était du portugais, mais je me suis dit c'est peut-être pas du. Peut-être que je me trompe pas. Je me suis dit c'est peut-être pas du portugais, c'est peut-être du wallon. On peut la réécouter cette chanson d'ailleurs. Mais non, c'est quoi ? C'est du canadien. Mais non, c'est de la langue d'oc. Ah, ah ben voilà. Ah oui, oh d'accord. Mon Dieu. Ça me dit quand même du ah sud. Oui. Ah, ah oui, oui. C'était une langue. Ah, c'est là. Il est tordu. Hein. Et l'autre, elle s'appelle Virginie. Ouais. Oh mon Dieu. Et l'autre, il se la pète. Oui, c'est la chanson qui m'a fait trouver. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, pour une pub, j'avais appris il y a longtemps, j'avais appris une chanson en. C'est wallon ou flamand le truc ? Flamand. Ich will mich erobern. Voilà. Ça, c'est du flamand. Alors, moi, j'avais appris une chanson qui disait Bruder Jacob, Slavieno. C'est frère Jacques en flamand. En flamand. Bruder Jacob. Et c'est moi qui suis chiante. Ah, mais elle m'en veut. Je vous ai écouté depuis le début. Ils n'ont pas été gentils avec vous. Ah, pas chiant. Isabelle. Merci Virginie. Virginie et Hoc, oui. Donc ça s'écrit comment ? H-O-C-Q. Ah bon, il y a un Q à la fin. Oui, bien sûr. C'est plus facile pour s'asseoir. Hein. H-O-C-Q, toujours un Q à la fin. C'est un nom japonais, H-O-C-Q. Vous faites toujours la liste des courses ou des commissions ? Non, c'est non. Fini ça. À chaque fois que je fais un sketch, un nouveau spectacle, je n'utilise jamais ce que j'ai fait auparavant. Donc là, c'est les dernières représentations de celui-ci et après c'est terminé. Et c'est votre quatrième one-man show ? Troisième en France et puis cinquième en Belgique. Ah oui, déjà quand même. Oui. Vous êtes si jeune, Virginie. Oui, c'est pour ça que je vous disais. Après, j'étais gênée parce que quand on m'a demandé si j'étais jeune, je me dis 40 ans, ça n'est plus si jeune. Et si, j'ai encore l'impression d'avoir 25. Non, non, non, ça va, t'es tapé quand même. Enfin. Ça veut dire quoi, taper ? Ça veut dire yeuve. Yeuve ? Ça veut dire quoi ? Monsieur, je comprends plus rien. Oui, tu sais, c'est une radio de jeunes. Hein. Non, mais moi, je trouve qu'elle a une tête de petite fille. Elle a des yeux de gamine. Malicieuse. Ah, exactement. Vous connaissiez pétillante. Virginie Hoc, Ariel ? Alors, Virginie. Oui, pardon, mais oui, c'est un peu meilleur. C'est-à-dire que j'avais entendu votre nom. Oui. Et j'avais entendu que vous aviez beaucoup de talent. Eh bien. Mais ça s'arrêtait là. Eh bien, et vous irez le vérifier. Exactement. Au Bouffe Parisien, à 20h30, mis en scène par Isabelle Nanty. Les thèmes du spectacle, est-ce que le fait d'être maman a changé des choses dans les sketchs ? Non, parce que je ne fais pas de thérapie sur scène. Du coup, c'est toujours des idées comme ça. J'ai un mannequin pour paquet de cigarettes, je ne fume c'est pas. Génial. Ah oui, j'ai vu ce sketch, assez drôle. Une femme qui parle comme ça. Elle est mannequin pour paquet de cigarettes parce qu'elle était institutrice, mais ça faisait peur aux enfants. Là, c'est Virginie Hocquin qui parlait. C'est moi. Il y a une hôtesse qui boit du champagne. Une hôtesse de l'air qui est complètement bourrée. C'est juste parce que je prends souvent l'avion et que je me demande toujours ce qu'ils font derrière le petit rideau qui ferme activement. Ouais. Et là, je suis sûre qu'elle picole et puis elle devient injurieuse avec les passagers. Il y a une nana aussi qui organise pour son mari une partie fine. Elle ne sait pas très bien ce que c'est. Elle veut organiser tout pour récupérer son mari et elle ne sait pas ce que c'est. Il y a un type qui vient lui donner un coup de main et c'est une partouze. Mais elle ne sait pas ce que c'est. Donc quand ce monsieur se met tout nu, elle est toujours très gênée. Mais c'est toujours. Il n'y a jamais de vulgarité dans mes spectacles. C'est ce que j'avais aimé la première fois que vous avez vu à la télévision, je crois, si ma mémoire est bonne, chez Patrick Sébastien. Oui. Vous avez fait cette liste de commissions qui était évidemment très osée, très culottée, si j'ose dire, mais en même temps jamais vulgaire. Non, mais parce que j'utilise toujours l'imaginaire et c'est ça, c'est le sous-entendu. J'ai l'impression que le public est capable d'imaginer des choses et c'est très gênant de se dire mon Dieu, est-ce que je vois bien ce que j'imagine. Et je crois que c'est encore plus savoureux d'imaginer les choses que de les interpréter, d'appuyer, de les nommer. Mais ce qui est intéressant avec Virginie Hoc, c'est que contrairement à toute cette mode des humoristes qui racontent leur vie à la mode stand-up, elle crée des personnages. Ce sont des vrais sketchs. Voilà, mais j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de créer des lieux, j'ai envie d'imaginer des choses. Et Marie-Antoinette, c'est quoi Marie-Antoinette ? Marie-Antoinette, c'est parce que je suis passionnée de femmes célèbres, historiques, décédées. Et Marie-Antoinette, j'ai lu la biographie au même titre que Jeanne d'Arc. Elle est décédée. Désolé Bernard. Je dois dire que moi, si curieusement, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était l'été dernier, j'ai lu la biographie de Stéphane Zweig de Marie-Antoinette. Elle est géniale. Qui n'a jamais lu ça, je vous conseille vraiment. C'est très intéressant. Et du coup, j'ai croqué ces personnages parce que je me dis que c'est chouette de les vulgariser, de les raconter aux gens. Puis je me permets aussi des costumes. J'ai une robe hyper imposante, elle est à gadget. Ouais. Oui, je ne suis pas habillée tout en noir, je ne vais pas de droite à gauche, j'essaie de créer des lieux. Voilà. Au Bouffe Parisien, Virginie Hoc, jusqu'au 18 septembre à partir du 2. Profitez-en, ce sont les dernières représentations parisiennes. Merci Virginie Hoc d'être passée aux grosses têtes. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Laurent Ruquier, à demain donc 16h. Prochain rendez-vous avec les grosses têtes sur RTL. RTL, première radio de France. RTL. Les 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une, Emmanuel Macron quitte le navire, c'est donc la fin du feuilleton, cette fois c'est fait, le jeune ministre de l'économie démissionne du gouvernement, il sera resté 2 ans à Bercy et il met le cap sur la prochaine présidentielle vraisemblablement. Alors, dans RTL Soir, vous entendrez l'ex-conseiller et bientôt futur concurrent de François Hollande qui va s'exprimer depuis Bercy d'un instant à l'autre. Nous verrons quelles sont ses chances, nous nous demanderons si François Hollande peut se remettre de ce coup dur. Invité de RTL Soir, un très proche d'Emmanuel Macron, le chef d'entreprise Marc Simoncini, mais aussi un de ses opposants, le patron de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. Et puis évidemment, à 18h30, Alain Duhamel tirera les premières leçons de cette nouvelle défection pour l'exécutif. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Dans l'actualité, il y a aussi un policier poignardé au sein même de son commissariat. Ça s'est passé cet après-midi à Toulouse. Ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur a été interpellé. A priori, ce n'est pas un terroriste. Le lait a enfin trouvé son juste prix. Accord conclu entre Lactalis et les éleveurs qui promettent de cesser leurs actions devant les usines du groupe. Les grandes vacances ne sont pas tout à fait terminées et déjà, les prochains congés font râler tout le monde. À la Toussaint, ce sera du jeudi au jeudi. Et puis nous irons à Houston, au Texas, pour prendre des nouvelles de Thomas Pesquet. Le jeune astronaute français décollera en novembre pour passer 6 mois dans l'espace. La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,75% à 4 457 points. Les courses à Clairefontaine, il fallait jouer le 4, le 13, le 10, le 14 et le 15. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, le TAFTA, c'est déjà fini. La France jette l'éponge dans les négociations sur le traité de libre-échange transatlantique. Mais à quoi est-on échappé ? Le TAFTA, c'était quoi ? Puis direction les coulisses de l'actualité pour le collège. Le changement, c'est maintenant. Nouveau programme, nouveaux emplois du temps. On vous amène donc en coulisses de la pré-rentrée avec les profs. 18h35, appelez-le Excellence, homme de lettres et de médias, frère d'eux, Olivier Poivre d'Arvor est le nouvel ambassadeur de France en Tunisie. Alors comment aborde-t-il ce poste très sensible ? Rencontre avec OPDA tout à l'heure. 18h50, votre nouveau rendez-vous, RTL Monde, les petites et grandes histoires de l'info internationale. 19h, on refera le monde. La météo, Louis Baudin, bonsoir. Bonsoir Marc-Olivier. Et Louis, demain encore du beau temps alors ? Ah, exactement, du beau temps, bah, j'ai vu, ça vous a plu aujourd'hui. Bah, donc oui, on absolument, va continuer demain. Il y a intérêt. Avec un temps très sec et très ensoleillé quasiment partout. Comme aujourd'hui, il y aura peut-être quelques petites brumes le matin, vite dissipées. Et surtout, il restera un risque d'averse, voire d'orage, dans l'extrême sud-est, hein, comme aujourd'hui, du côté du Var, des Alpes-Maritimes, ou encore sur le relief alpin, même chose sur la Corse. Quelques averses orageuses qui ont tendance à s'atténuer en toute fin de journée. Puis les températures estivales, l'après-midi, 23 à 26 degrés au moins près de la Manche, 27 à 30 degrés dans les autres régions, et parfois un peu plus de 30 degrés près de la Méditerranée. Ne changez rien, Louis Baudin, à tout à l'heure. D'accord. RTL Soir. Et ce n'est donc pas une surprise, Isabelle, mais on ne l'attendait pas forcément aujourd'hui. Emmanuel Macron a démissionné du gouvernement. Oui, le ministre de l'économie a été reçu à l'Élysée en début d'après-midi. Il veut se consacrer pleinement à son mouvement politique, c'est ce qu'on dit au palais. C'est Michel Sapin, actuellement ministre des Finances, qui va le remplacer à la tête d'un ministère élargi. Emmanuel Macron doit s'exprimer dans les minutes qui viennent. Bonjour Vincent Derosier. Bonjour. Vous avez suivi pour RTL ces dernières heures le film de cette démission annoncée, démission parfaitement mise en scène avec des allures de ballet aquatique. Oui, l'image restera, c'est certain. On avait eu la démission à vélo de Christiane Taubira. Emmanuel Macron, lui, innove en allant sur l'eau, aller-retour depuis Bercy en navette fluviale jusqu'au pont de la Concorde, puis l'Elysée pour la dernière fois en tant que ministre de l'économie. Tout sourire, dossier sous le bras, l'Elysée ne lui a pas offert une entrée par la porte principale, mais les caméras de télé n'ont pas perdu une miette de son périple. C'est bien sûr une façon de montrer qu'Emmanuel Macron maîtrise la situation de bout en bout, qu'il fait ce qu'il avait en tête depuis longtemps déjà, partir. Alors les Français n'aiment pas les traîtres en politique, son entourage le sait parfaitement. C'est pour ça que ses proches insistent sur la démarche pacifique d'Emmanuel Macron, décision apaisée. Il n'y a pas d'affrontement, ni dépit, ni reniement, confie un de ses proches. Emmanuel Macron a passé une petite demi-heure dans le bureau de François Hollande. Ce matin, le chef de l'État lui a donné rendez-vous à 15h. Il a, d'après un ministre, tenté de le retenir. Mais très vite, le président comprend que sa décision est irrévocable. Le chef de l'État a perdu son ministre le plus populaire, celui qu'il qualifiait de simple et fidèle, et surtout loyal. Vincent Derosier du service politique, donc de RTL. Emmanuel Macron sera donc resté presque 2 ans, jour pour jour, à Bercy, où il avait succédé à Arnaud Montebourg. Ces deux-là risquent fort de se retrouver très prochainement. Absolument, car Emmanuel Macron affiche depuis bien longtemps maintenant ses ambitions présidentielles, Isabelle. Oui, il y a un an déjà, il prévenait qu'il n'avait pas l'intention d'être député en 2017, car pour lui, l'élection est un cursus d'un ancien temps. Plus récemment, il a